Allez, bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans Gironde Analyse RIG 90.7 FM, RIGFM.fr. On est ensemble comme tous les lundis, tous les vendredis, 20h30, 22h, pour débriefer ensemble l'actualité du FC Girondins de Bordeaux ce week-end. L'actualité nous amène à affronter le Stade Rennais dimanche 17h au nouveau stade René Galis Matmut Atlantique de Bordeaux. Les Girondins affronteront donc le comment on dit quart de finaliste, et comment on dit un huitième de finaliste, oui ça se dit, le huitième de finaliste d'Europa League, défait hier par Arsenal 3-0 et donc éliminé. Le Stade Rennais, on va évidemment préparer l'avant-match de cette rencontre dans cette émission. Il y aura aussi normalement deux invités téléphoniques avec nous sous les alentours de 9h15, on va dire, Nicolas Morin de France 3 pour revenir avec lui sur la conférence de presse, la première vraie conférence de presse d'avant-match de Paulo Sousa. On y reviendra également parce qu'il y a quand même des choses assez intéressantes qui ont été dites lors de cette conférence de presse. Il n'a pas, voilà, pas fait dans la demi-mesure, Paulo Sousa. Et d'ici une petite dizaine de minutes, normalement, nous aurons Cyril, je suis désolé, j'ai oublié son... Foutugras. Voilà, pour parler avec lui, évidemment... du Foutugal. Alors, en français, c'est Foutugal. Voilà. Alors, on dira en français, parce que... Voilà, avec l'accent portugais, ça peut faire foutu bras. pour parler de Paulo Sousa, et puis au-delà de Paulo Sousa, de son staff, et puis voilà, peut-être de la façon de voir le football. On discutera de tout ça avec lui. On reviendra également sur les quelques infos du jour. Il y a de la blessure, il y a du transfert, il y a des matchs programmés, il y a des scouts qui se déplacent. Enfin, voilà, il y a plusieurs petites infos. Puis surtout, demain, il y a... On y reviendra. Voilà, on reviendra aussi, on parlera aussi quand même du match de demain, match de l'année pour les filles qui font une super saison, qui sont 3e du championnat de France de division féminin, 1. De division 1, voilà, je cherchais à dire de Ligue 1, non, de division 1. Et elles ont le gros match, c'est pour elles, c'est demain, on en reparlera aussi évidemment. Dans cette émission, on suivra ce qui se passe en direct en ce moment même en Ligue 1. Sachez qu'un match qui a commencé à, je crois que c'était 19h30, quelque chose comme ça, ou 19h, on joue la 56e minute et c'est Nice qui mène 1-0 face à Toulouse, un but de Julian Cyprien à la 20e minute à 20h45. Le choc des extrêmes, ou un des chocs des extrêmes, puisque le second, le Dauphin parisien Lille, recevra le 17e, l'AS Monaco, toujours en quête de maintien. Ils sont sortis de la zone rouge, mais ils ne sont pas encore complètement sortis d'affaires, les Monégasques. Ça peut être un match sympa, Lille-Monaco, à suivre. Et puis, on suivra aussi la Ligue 2 depuis un quart d'heure. Tous les matchs ont commencé, aucun but n'a été marqué, nulle part. Je regarde si le petit Mancini est titulaire avec l'AJ Auxerre. Et il est titulaire, donc on va suivre peut-être un peu plus particulièrement ce match-là, Auxerre qui se déplace à... Béziers, l'avant-dernier, le 14e contre le 19e, c'est pas non plus une affiche de ouf. Hein. Putain, y a déjà, alors, pour ça, j'aime les Corses. Le Havre-Ajaccio, 15e minute, y a Ajaccio est déjà à 10. Voilà. Ouais, en même temps, c'est le match de Ligue 2. Hein. En même temps, c'est la Ligue 2. C'est la beauté du sport. Mais détrompe-toi, mon petit Lucas, le vendredi soir, franchement, y a souvent un pacasse de buts. Alors, vous me direz, c'est facile, ils jouent tous les matchs en même temps, à part un ou deux. Tu vois, ce soir, il y a 3, 6, 8 matchs. Donc, forcément, t'as plus de chance d'avoir plus de buts sur 8 matchs que sur nos pauvres soirées de Ligue 1 avec les matchs reportés où t'en as 3. Non, mais sur les 3, t'as Amiens-Dijon, Angers-Caen et c'est déprimant. Non, mais après, même je sais plus qui c'est qui disait ça, mais il y a quelqu'un qui disait un match déjà dans lequel il y a beaucoup de buts, c'est des équipes qui savent plus ou moins, qui défendent plus ou moins bien quand même. Ah, bah après, c'est deux façons de. Ah, bah alors, tiens, figurez-vous que tout va très vite. 34e minute, il y a eu des buts, oui, parce que j'avais 20 minutes de retard. C'est Orléans qui mène 2-0 à Valenciennes, Clermont qui mène 1-0 au Red Star, et l'AC Ajaccio paye son carton rouge puisqu'ils sont menés 2-0 au Havre. Avec moi ce soir, pour parler de tout ça, il y a Cyril. Salut Cyril! Bonsoir tout le monde! Bonsoir Cyril! Genre le bonsoir de. À la Guilux! Bonsoir, eh oui. Bonsoir ma chère Simone. Salut Lyon. Il a fait accent portugais là pour le coup. Bon, ça va, la forme, fin de semaine? Bah oui. Est-ce que comme moi tu es plein d'espoir et d'enthousiasme pour cette fin de saison? Putain, moi je m'attendais à être moribond, je suis content, t'imagines pas comment. Oui, bon, disons que je suis plus optimiste qu'il y a une semaine. On va pas se mentir, hein. Bon déjà, oui, déjà il y a du mieux. Et puis bon, la conférence de presse aujourd'hui... Ben, finalement, on se dit qu'on n'est pas fou. Et puis on va voir, mais c'est clair que il y a quelque chose, il y a un semblant, il y a une petite énergie, il y a une petite excitation. Et on sent que tout, on en reparlera aussi avec la nouvelle qui est tombée sur Massia dans la semaine, tout est en train, petit à petit, voilà, de les pièces de se mettre en place, les gens arrivent à leur poste, tac, tac, tac. Et c'est ça aussi qui... Putain, on se disait, cette fin de saison, la saison, elle est finie. Rappelez-vous, après la demi-finale contre Strasbourg et la défaite contre... c'était quoi, genre notre dernier match, la dernière chance, genre Monaco ou je sais Montpellier, plus qui, pas Montpellier, ouais, Montpellier. On se disait, ouais, c'est bon, là, terminé, saison rideau. Et là, hop, d'un seul coup, on se dit, hop, il va se passer des choses. Avec nous ce soir également, il y a Lucas. Salut Lucas. Bonsoir tout le monde. Comment ça va, mon petit bonhomme? Ça peut aller. Ça va, on va dire que. On va dire que ça va. Exactement. merci d'être passé avec nous. T'étais déjà venu, je crois. Oui, t'avais fait une ou deux émissions déjà. Ouais, il me semble que c'était décembre-novembre. Non, mais ouais, c'est ça, il n'y a pas longtemps. Ouais, t'étais déjà passé nous voir. D'ailleurs, si vous voulez faire comme Lucas, participer à une émission, vous êtes les bienvenus évidemment. Vous pouvez nous appeler aussi en direct 05 56 35 31 pour réagir en même temps que nous. Pas quand on a un invité au téléphone, s'il vous plaît, parce qu'on ne peut pas prendre deux personnes en même temps. Et si vous voulez assister à l'émission, ou même mieux, participer à une des émissions, il n'en reste pas beaucoup d'ici la fin de saison, vous nous contactez via Twitter, Girondin Analyse, ou direct GA. Non, c'est arrobase GA Analyse. Voilà, GA Analyse. Vous, Facebook aussi, sur la page Facebook, vous nous envoyez un petit message, vous dites « Oh, j'aime beaucoup l'émission, je voudrais venir participer. » Hop, on vous cale un lundi, un vendredi. Et vous venez parler avec nous en direct des Girondins. Messieurs, on va commencer, sans plus attendre, avec quelques petites infos du jour. La première, on va commencer malheureusement par une mauvaise nouvelle. Puisque c'est Paulo Sousa lui-même, ce midi en conférence de presse au Hayan, qui a annoncé la grave blessure, alors grave on ne sait pas, mais blessure d'Aurélien Tchouaméni, fracture du péroné ce jeudi. Il l'a dit comme ça aux journalistes. Vous êtes au courant de cette situation ? Point d'interrogation. Il s'est blessé hier, ce n'était vraiment pas de chance, il souffre d'une fracture du tibia, je ne peux rien dire sur la durée de son absence, le médecin du club sera mieux placé que moi, il y aura certainement une communication plus détaillée. Bon, on va pas jouer sur le suspense, Aurélien Tchouaméni, saison finie, rendez-vous en septembre, non, si tant est qu'il soit encore là. Par contre, ce que je trouve bien, enfin, c'est que le mec, on retrouve enfin un entraîneur qui n'a pas de langue de bois, c'est qu'enfin il parle vraiment de blessure. C'est-à-dire qu'il tourne pas, oui, il dit pas, il tourne pas autour du pot. Il dit direct. Ouais, il a une indisponibilité. On peut pas vous dire quoi. Patin coup fin. Et à l'arrivée, tu te retrouves avec une histoire barbante. Mais Solène. Non, c'est pas grave. C'est très mauvais. Là, il y avait Solène Barban ce soir. Okay, là, il fallait la connaître. D'ailleurs, Solène Barban, si tu nous écoutes, tu es la bienvenue. On te salue et on te souhaite bonne chance. Voilà. Et on pense à toi. Et on pense à toi du coup. Et à tes collègues. Comment j'enchaîne là-dessus ? Oui, le pauvre Tchouaméni. Donc... non mais voilà, le pauvre. Bon, pas de chance, il se blesse à l'entraînement. Alors après, il y a quand même des précisions. Il ne devrait pas être opéré, donc c'est pas non plus un. C'est un risque. Voilà. C'est de prendre un risque parce que forcément, s'il se fait opérer, ça a la durée d'un spot. Non, c'est pas ça. C'est que oui, mais c'est aussi un risque. On nous dit première semaine, plusieurs semaines. Bon, en gros, franchement, il reste quoi là ? On est la 20. 28, c'est quoi là ? C'est la 28e, 29e oui, journée. Façon, c'est 28e journée. Il reste 10 matchs. Toi, Tchouaméni, c'est fini. Enfin, non, mais l'idéal, ça serait quand même qu'il soit prêt pour le début de la préparation. Que voilà. On va dire début juillet. Faut qu'il soit apte de faire une préparation digne de ce nom. Au moins prêt pour le début de saison. Ou c'est... de Florac, mais... non, mais c'est dommage pour lui, le pauvre, parce que, bon, il grattait un petit peu de temps de jeu à droite, à gauche. Bon, il faisait peut-être... C'est pourri, d'accord. oui, non, mais ça passe. Là, ce soir, c'est freestyle. C'est vendredi soir. On est... Voilà, Cyril, il a mangé à Hit Salad, un truc qui normalement n'arrive pas. Improbable. Mais moi, je sors de la salle de sport, c'est un truc, ça fait 3-4 ans que j'avais pas foutu les pieds. Voilà. Ce soir, c'est la soirée des improbabilités. Lucas, si t'as des vannes pourries, vas-y. Même on si est preneur. Hein. Ouais, même si personne réagit, il y a un podcast, tu pourras toujours les réécouter derrière. Justement, parce qu'on va me faire vanner après. Ouais, non, c'est dommage parce que Tchouaméni, le pauvre, pour le coup, c'est lui, il fait partie, on avait cité quelques noms la dernière fois, de ceux qui pouvait profiter du changement d'entraîneur pour se montrer un peu plus après, et peut-être espérer avoir plus de temps de jeu avec Paulo Sousa. Oui, non, mais après, là, voilà, il pouvait, mais au final, il a quand même eu pas mal de chance ces derniers temps et il n'était pas extraordinaire. Après, J'espère quand même que les cadres, on va dire les joueurs qui sont plus attendus, répondront présents à Paulo Sousa et puis aux tests qu'il va leur mettre en place quotidiennement à l'entraînement, etc. Mais quand on lit ses déclarations, il a aucun problème à aller chercher un jeune. Hein. Donc que ça soit Tchouaméni ou Zaïdou ou un autre, si le jeune il fait plus d'efforts que le vieux, ben le jeune il jouera. Ah ben c'est bon, aujourd'hui c'est clairement ce qu'il a dit. C'est comme ça que c'est censé se, enfin pour moi du moins. Et c'est comme ça qu'Alafio Bernardeschi s'est fait sa place. C'est comme ça qu'on est censé fonctionner. Peu importe que tu sois jeune ou vieux, si tu mérites ta place, tu mérites ta place. Et peu importe, même, j'ai envie de dire ton statut. Mais pendant des années, tu as été protégé par un jeu d'agent à Bordeaux. J'ai pas l'impression que Sousa, ils connaissent bien les agents français. Oui, mais peut-être que les agents français connaissent pas, peut-être pas aussi bien Paulo Sousa, si tu veux. Oui, non, mais je pense que le mec, je pense qu'ils vont vite apprendre à le connaître. Oui, mais franchement, moi je demande que ça. Franchement, je te promets, plutôt que l'inverse, que l'entraîneur se mette encore au diapason de tout ce système d'agents, de l'avantage, Roquet, c'est deux coches différents, parce que Poyet, à chaque fois, ça s'est fini en cacahuète. Sousa, ça s'est toujours fini en bon terme, mais c'est deux gros caractères. La différence entre Poyet et Sousa, c'est que tu as quand même une nouvelle direction et que la nouvelle direction, ils ont quand même mis un grand coup de pied au cul de du Haillan. Alors que sous Trio, il y avait quand même on va dire un totem d'immunité sur pas mal de monde. Là, depuis que les Ricains sont là, ils te font des études un peu partout pour savoir où améliorer les choses. C'est pas exactement pareil. Oui, puis surtout on sent qu'il y en a une maintenant direction, parce que même sous l'air Martin, on se demandait ce qu'elle faisait, quoi. Enfin, Ramé, Stéphane Martin, M. Taverneau, enfin bon, il y en avait plein qui. On se demandait où est-ce qu'ils étaient dans le château du Haillan, quoi. Fin... Non, mais ça bossait, mais le problème c'est que à force de faire des trucs un peu famille, et donc du coup, à pas vouloir faire de mal aux petits, parce que bah, le petit, bah, déjà je connais son père, je connais son agent et compagnie, et donc du coup ça me fait chier parce que le dimanche à la maison, ça va gueuler. Mais là c'est fini, quoi. C'est fini, c'est clairement fini. Le management à la papa, c'est terminé. Et on est clairement dans la lignée de ce qu'annonçaient les Américains. Et on est clairement dans la lignée aussi de l'état d'esprit des Américains. Ils sont pas venus, les Ricains, pour faire du management à la bisounours, quoi. Il faut que ça marche, faut que ça marche vite, bien si possible. Et on voit dans ce qu'ils sont en train de mettre en place depuis qu'ils sont arrivés. Ils ont commencé gentiment par oui, alors on va faire les stands, les frites. Bon, tout le monde rit, ok, les frites, les queues, les poissons. On a bien rigolé. Oui, on a bien rigolé. Mais c'est par les buvettes. Là où on commence à un peu moins rigoler, c'est quand on disait lundi soir. Voilà, ils arrivent déjà, boum, ils mettent financièrement les moyens avec un staff conséquent et a priori de qualité. Alors je veux pas dire, mais un entraîneur avec 6 adjoints, il y a qu'au PSG qui a ça. C'est ça en France. Je veux dire, encore, je suis pas sûr qu'il en ait autant. On en a parlé lundi. Tourelle a 6 adjoints, mais, Paulo Sousa a 6 adjoints. On en a parlé lundi, et je crois qu'il y a encore eu des renforts un peu. Non, c'est ces 4 plus Grillo plus, oui. Plus Bédoué. Et on en avait parlé lundi. C'est le plus gros salaire pour un entraîneur du club. C'est limite même le plus gros salaire tout court du vestiaire. Je pense que ça doit être le plus gros salaire actuellement à Bordeaux. Donc, c'est vraiment des efforts financiers qui sont mises en place. Autre info, alors deux infos couplées, c'est-à-dire qu'il y a une hier qui a été complétée par une autre information aujourd'hui, c'est 20 minutes qui nous apprend ça via notre collègue, parce qu'il est journaliste et pas nous, c'est Clément Carpentier que vous entendez régulièrement à ce micro dans cette émission, journaliste à 20 minutes. Alors ça avait commencé hier avec un tweet du club de... Oui, les multisports. Les multisports, tout à fait. Il y a aussi La Voix du Rugby, c'est une émission dans laquelle il intervient fréquemment. Il suit aussi de près les boxeurs. C'est vraiment un amoureux de la ville, Clément, et il suit journaliste omnisport. Hier, donc, le club de Leicester City tweetait. Je vais même essayer de vous donner le traduction. C'était à 12h31 précisément. Leicester City peut confirmer que Eduardo Macia a quitté sa fonction de Club Heads of Recruitment. Ça doit sûrement être recrutement, le boss du recrutement du club, quoi. Au 15 mars, donc aujourd'hui, donc officiellement, Eduardo Macia est absolument libre de tout contrat. Et donc, dans l'article d'aujourd'hui de Clément Carpentier sur 20 minutes, ce n'est plus qu'une question de jour, nous dit le journaliste. Avant même le rachat des Girondins par le fonds d'investissement américain, Eduardo Macia, en fait, il y avait des comptes. De ce qu'on nous dit, c'est qu'il y avait des contacts déjà depuis pas mal de temps par GAC, pas par l'ancienne direction, hein, mais par GACP. Il me semble que c'est Bruno Satin qui a aussi qui en a parlé dans Late Football Club où il disait que Macia était en contact régulier avec Dagrossa et ce depuis 2017. Donc, ce n'est plus qu'une question de jour pour que Macia devienne officiellement, et enfin, j'ai envie de dire, le directeur sportif des Girondins de Bordeaux. Il est attendu au Haillan courant avril, selon les informations de 20 minutes, sachant qu'on est le mi-mars. Donc, on peut dire d'ici 2-3 semaines, parce qu'il faut quand même que ce monsieur, il prépare quand même son... Enfin, je pense qu'il a quand même une famille. Ouais, voilà, voilà, enfin, il a quand même une famille. Sur... Il a quand même... Ce qui a surtout d'important, c'est que Macia, il n'arrive pas seul. C'est-à-dire, encore une fois, c'est comme Paulo Sousa qui vient avec son staff. Macia, il vient avec son armée de scouts avec qui il a l'habitude de travailler. Donc du coup, ça peut être encore une fois un avantage pour nous. Après, attention, Macia n'a pas fait que des merveilles en matière de recrutement. Alors justement, mais... on va... rentrer un peu dans le détail. Oui, mais ce qui est bien, mais il y a des méthodes. Il y a une méthode. Mais ce qui est bien aussi, c'est que Paulo Sousa et qui n'est pas la méthode quoi. Eduardo Macia arrivent tous deux, comment dire, avec surtout un réseau. Un réseau, comment dire, qui va permettre à GACP, comment dire, de progresser petit à petit dans le plan qu'ils souhaitent mettre en œuvre. Il me semble que quand tu mets le réseau bout à bout, c'est-à-dire le réseau de Varela qui a son propre réseau. Tu rajoutes à ça Paulo Sousa qui est un coach, son agent c'est Pini Zahavi, donc c'est un des plus gros agents au monde. Tu rajoutes à ça Macia qui a son réseau à lui, donc clairement tu peux taper. Plus Fritz Hansen, il me semble qu'il va arriver aussi. Fritz Hansen fait partie de ça fait partie, voilà. Il fait partie des scouts de Macia. C'est un parmi. J'allais y revenir. Autre nouvelle de la semaine aussi, Jakob Fritz Hansen. Et là pour le coup, on est typiquement dans. L'ancien joueur. Il a fait 6 mois. Oui, mais enfin, je veux dire. Il a fait 4 mois. Il a fait 6 mois à Bordeaux. Mais Oui, mais Cyril, du fait qu'il ait fait partie de l'équipe. Par contre, il a fait la finale 96. Voilà, et même qu'il a fait que 6 mois, ça affiche déjà les gens. Alors évidemment, les jeunes qui ont entre 15 et, même et 25 ans, je ne sais pas s'ils savent qui c'est, mais. Ah, mais c'est un super défenseur. Voilà, des gens comme toi et moi, ça parle. Donc ça fait plaisir parce que c'est pas un. Voilà, on parle de renouveler aussi un petit peu. Toujours Batiston, on parle toujours. Vous vous rendez compte que ça fait 20-30 ans qu'on parle à Bordeaux de Batiston, Trésor, de Robsy, pauvre garçon, paix à son âme. Lucas aussi, le pauvre. Je n'ai pas de nouvelles de Philippe Lucas. Je sais pas s'il va toujours, mieux. Il entraîne la. Non, mais après son ennui de santé qu'il avait eu, là. Je sais pas si. Oui, il est toujours en poste. Pour terminer sur Macia, quand même, alors un membre de la direction. Explique, premièrement, il doit d'abord nous rejoindre ici, ensuite nous serons plus clairs sur ses activités. Donc en gros, le club ne développera pas plus sur Macia, pas tant qu'il n'y aura rien d'officiel et qu'il ne sera pas officiellement à Bordeaux. Il devrait, d'après 20 minutes, s'occuper du recrutement, ça on l'a dit, en collaboration avec Hugo Varela, qui serait véritablement lui le patron du sportif à Bordeaux. Alors est-ce que ça sera en collaboration ou est-ce que Varela fait l'intérim le temps que Macia arrive? Ça, on le saura d'ici quelques semaines. Et pour terminer, quand même. Deux petites infos. Donc le CV, pour rappeler tout à l'heure, tu dirais Cyril, le CV d'Eduardo Macia, c'est quand même pas dégueulasse. Ancien responsable du recrutement à Valence et Liverpool, ex-directeur sportif de l'Olympiakos, de la Fiorentina et du Betis Séville. Ce ne sont que des clubs, des top clubs européens qu'on retrouve régulièrement en Coupe d'Europe, que ce soit Europa League ou Ligue des Champions. Son travail est aujourd'hui reconnu par tous dans le milieu du football. Il a notamment construit en partie avec Ranieri l'équipe de Leicester, championne d'Angleterre en 2016. Et donc, l'information sur laquelle je voulais vous faire réagir dès le départ, c'est que... Moi, j'ai une information que tu n'as pas dit pour l'instant et que j'ai trouvé ultra importante cette semaine. Et d'autant plus quand tu la recoupes. Attends, je voulais finir sur Macia, donc c'est un rapport. Non. Alors attends, juste termine, après on passe, ok? Vas-y. Non, juste parce qu'on apprend que la nouvelle direction du club avait trouvé un accord avec l'Espagnol dès 2017. Oui, c'est ce que c'est ça. Ah ouais, je te dis, c'est un rapport avec Macia, tu me dis non. C'est ce que je t'avais dit tout à l'heure. Il avait dit, Cyril, tout à l'heure. Ah, pardon, excuse-moi. J'ai pas d'ordinateur devant moi, donc je peux pas le faire dans l'ordre des pages. Donc, Non, c'est ça. Non, excuse-moi. Oui, alors vas-y. Non, mais t'inquiète, c'est cool. Mais pardon, vas-y. Non, pardon, déjà, ça rajoute un peu de crédibilité au projet américain sur lequel on avait des doutes à la base. Parce que s'il a pris des contacts avec Massia depuis 2017, ça veut dire que ça fait 2 ans. Ça veut dire, ouais, ça fait même. Il est à la base du projet. Voilà. Donc, alors que quand, on arrive, quand il est arrivé, comment dire, on pensait que c'était un peu. C'était pas sérieux, comment dire. Enfin, là, déjà, c'est un peu freestyle, quoi. Ouais, voilà. Et toujours, alors on ne cite pas les noms, mais on nous dit un membre de la direction, alors on va savoir qui c'est, qui dit « Nous suivons son travail depuis plusieurs années, toutes les meilleures équipes du monde parlent d'Eduardo Massia, il est l'homme le plus sérieux et professionnel du marché, ce sera génial pour nous de l'avoir à bord. » Oui, bah ils sont obligés un peu de... Oui. Tu vois ce que je veux dire? Ils vont pas dire « Ouais, bon, alors il est bon, mais pas ouf non plus. » Ah, mais entre chose, le directeur du Barça et Massia, on a décidé de prendre Massia. Ah bah oui, après on prend ce qu'on peut avoir aussi, hein, en termes financiers, en termes de... Oui, voilà, donc après, j'ai envie de dire... dans ce cas-là, il faut le dire. Donc, dans nos moyens, dès son arrivée, donc dès avril, réseau, il travaillera sur le mercato. Ça reste quand même un super agent, un super directeur sportif. Il a fait Leicester, il a fait la FIO, il a fait un club Liverpool, Valence, il a fait Valence, il a fait le Betis, il a fait le Olympiakos. Voilà, et enfin, c'est quand même un mec qui a l'habitude de jouer la Ligue des Champions. C'est top club européen, quoi. Oh, légalisation toulousaine à la 89e minute. Et donc, dans les arrêts de jeu, Nice et Toulouse sont égalités, un but partout. T'as les dates du passage de Massia à Liverpool ou pas? Faudrait que je les recherche. Alors là, comme ça, tout de suite, non. Mais si je... Bouge pas. Hop là. Si je... Vas-y, raccroche. Hop là. Je vais chercher Lucas et je dis ça de suite. On enchaîne, Cyril, avec notre premier invité du soir, c'est ça. Donc Bruno, responsable du site Footgall, je sais pas comment on dit. Bonsoir. Merci beaucoup Bruno d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Donc spécialiste du football portugais. Donc évidemment. Tout à fait. Personne, on peut pas dire mieux placé. Que pour parler de Paulo Sousa. Ça tombe bien, notre coach est portugais. Ouais, qu'est-ce que c'est bien foutu cette émission quand même. C'est dingue. On dirait que c'est fait exprès. C'est quand même super bien foutu. Alors, oui. Vas-y, je t'en prie. Bruno, première question, très, très simplement. Si, alors, on a entendu plein de choses sur Paulo Sousa, sur son passage à la FIO, sur plein de... On a entendu des choses bien, des choses un peu moins bien. Moi, globalement... De ce que j'en ai entendu dans différents médias, que ce soit télé, radio, presse écrite et tout ce qu'on veut, il a plutôt une bonne image. Est-ce que c'est l'image qu'il a au Portugal, déjà premièrement, dans son pays natal? Et est-ce que tu peux confirmer tout ce qu'on a entendu en bien sur ce garçon? Alors je peux confirmer qu'effectivement c'est un entraîneur qui a réussi de très belles choses parmi les clubs dans lesquels il est passé. Au Portugal, il est quand même un peu plus connu pour sa carrière de joueur, parce qu'il n'a pas eu l'occasion d'entraîner au Portugal, à part en sélection jeune, mais ça fait déjà un certain temps. Et donc c'est plutôt pour son talent comme joueur, par tout ce qu'il a apporté en tant qu'à la sélection et les Ligues des Champions qu'il a remportées, qu'il est connu au Portugal. Par contre, c'est vrai qu'en tant qu'entraîneur, il a déjà une très belle image. Même s'il est moins bien connu, il a quand même été sur les tablettes déjà des trois grands clubs portugais, entre autres Benfica, Porto et Sporting. Son nom a été cité à plusieurs fois, donc il a aussi une très belle image également au Portugal. Est-ce que c'est un joueur qui, enfin, quand il jouait, c'était un joueur Porto, Benfica, Sporting, c'est... Alors il a été formé à Benfica. Et ensuite il a fait un passage chez le grand rival, le Sporting, d'ailleurs avec certains petits problèmes qu'il y a eu apparemment quand Benfica avait des problèmes pour payer son salaire, donc il a fini par atterrir de l'autre côté de l'autoroute chez le plus grand rival, le Sporting, et c'était un joueur vraiment formidable. Quand il avait le ballon, il arrivait à envoyer des passes qui atterrissaient toujours avec une précision incroyable, peu importe les difficultés, s'il était sous pressing ou même la distance, ça l'impressionnait pas, quoi. Sa qualité de passe était assez incroyable. Il était au milieu de terrain, plutôt défensif, et c'était un joueur qui a fait partie d'une très belle génération, qui a d'ailleurs remporté la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Et c'était une génération pleine de niaques, et lui-même, c'est un joueur qui est plein de niaques. Et je pense qu'il a gardé ça aussi en tant qu'entraîneur. Est-ce que, moi là, Paulo Sousa, on le décrit comme un entraîneur joue, enfin, je pense que le joueur était pareil, avec un énorme caractère, avec une mentalité vraiment de leader. Est-ce que c'est vraiment des points qui le définissent? Ah, tout à fait. C'est quelqu'un qui a une très forte personnalité. Donc, comme je vous disais, il faisait partie d'une génération où qui était très marqué justement, qui était un peu entre guillemets bad boy. La génération Rui Costa, c'est ça. Il s'est assagi un petit peu avec avec le temps, mais il a quand même il a une grande niaque, hein, et puis il déteste la défaite surtout. C'est vraiment quelqu'un de très ambitieux d'ailleurs. Son palmarès en tant que joueur et les clubs qu'il a connus, ça s'explique assez facilement par ça d'ailleurs. Il a remporté quand même 2 Ligues des Champions, 2 années d'affilée, une fois avec la Juve et ensuite avec le Borussia, juste derrière. Donc c'est vraiment un entraîneur avec un caractère très trempé. Lucas, ouais. T'as une question ? Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir. Je vous écoute depuis tout à l'heure parler de Paulo Sousa, de son profil, de son caractère, etc. Finalement, c'est un petit peu un Gustavo Poyet dans l'âme, non ? Pour de ce que j'en comprends. Pardon, excusez-moi, je vous ai pas compris. C'est un petit peu un Gustavo Poyet dans l'âme, de comment dire, ce côté sanguin, ce côté contre la défaite, etc., etc., non ? On peut dire ça, oui. On peut dire ça, oui. C'est vrai que l'ambition et la haine de la défaite, c'est vraiment l'une de ses principales caractéristiques. Et puis, il a le sang un peu chaud quand même. À la différence que Paulo Sousa, alors à moins que je me trompe, mais Paulo Sousa n'est pas coutumé de coups d'éclat. Poyet, ce qu'il a fait à Bordeaux à partir à dire je démissionne, je m'en vais, je m'assins, il l'a fait à peu près partout, en exagérant peut-être un petit peu, mais il l'a fait quasiment partout où il est passé, tu vois, un peu à la Bielsa qui s'en va un peu à chaque fois, tu vois. Paulo Sousa, j'ai pas l'impression qu'il soit coutumier de ce genre de coup de théâtre. Il est toujours parti en tant que gentleman, Paulo Sousa. Ça s'est toujours très bien passé. Peut-être un peu plus compliqué en Chine, mais c'était pas vraiment sa faute, entre guillemets, parce que son dernier club en Chine a été dans des scandales assez graves. C'est d'ailleurs sûrement l'une des raisons qui explique son départ. Mais par contre, ça a toujours été un gentleman au moment sur les départs. Il a jamais eu de problème. Mais son côté un peu... sa niaque, c'est surtout sur le terrain en fait, hein. C'est-à-dire qu'il arrive à transmettre sa passion. C'est Poyet mais en plus positif. Vous voyez ce que je veux dire, sans le côté un peu comme vous disiez, spectacle. Où il part un peu avec des coups médiatiques assez qui font assez de bruit, quoi. Lui, c'est plutôt dans le terrain, c'est-à-dire que il arrive à transmettre cette passion et cette envie, cette haine de défaite aux joueurs dans les vestiaires, mais il arrivera aussi à les transmettre, à faire passer le message dans les conférences de presse. Ça se verra assez vite. C'est quelqu'un qui est capable de transcender ses joueurs dans les vestiaires, mais aussi dans les conférences de presse. C'est-à-dire que les conférences de presse avec Paulo Sousa seront pas ennuyeuses. Ah ben, on a vu la première aujourd'hui. Alors il a rien de... Enfin voilà, le mec arrive direct. Bon, alors préparation physique, ils sont pas au point. Ça va pas du tout. On a 3 semaines pour les... Enfin voilà, moi ça m'a mis le cœur dans une joie, mais vous imaginez même pas comment. Enfin un mec à Bordeaux qui voilà, qui boum, ça. Alors Poyet le faisait, c'est comme des citrons, vous pouvez en être certain. Ah mais grand bien lui fasse enfin quelqu'un qui... Ah ouais, non mais c'est voilà, quelqu'un qui parle. L'intensité, c'est l'une de ses marques aussi dans son style de jeu. C'est l'intensité dans le jeu, hein. Ça, il faut que les joueurs soient tout le temps en mouvement, qu'ils se donnent toujours à fond. S'il y a un joueur qui est un peu fainéant, il va finir très vite sur le côté, hein. Il n'aura pas sa chance avec lui. J'ai une question. Là, on le voit arriver avec un staff qui est, pour Bordeaux, énorme. Pléthorique. Est-ce que c'est une habitude pour Sousa de s'entourer comme ça de moult adjoints ? À fur et à mesure qu'il a traversé donc les clubs où il a été, où il a fait certaines rencontres, il a plutôt pour habitude à chaque fois de ramener avec lui certaines personnes avec qui il a travaillé précédemment. Il aime bien être entouré de personnes de confiance et de personnes compétentes surtout, donc c'est normal. Surtout qu'il vient d'arriver dans un championnat où c'est l'un des seuls championnats qu'il n'a ni connu, ni en tant que joueur, ni en tant qu'entraîneur jusqu'à maintenant, donc c'est tout à fait normal qu'il s'entoure vraiment de son équipe de confiance, hein. Ça, certains joueurs viennent de... Certains de son staff viennent d'assez loin, et d'autres un peu moins, mais c'est toujours des gens avec qui il a travaillé. Moi, quand je l'entends parler, je vois un passionné, je vois vraiment ça, et j'ai du mal à l'imaginer manager. C'est-à-dire, c'est bête ce que je veux dire, c'est que... Et peut-être qu'il le sera pas. Je le sens plus entraîneur, mais dans ce cas-là, avoir autant d'adjoints, c'est difficile. Est-ce qu'il prend vraiment part, est-ce que c'est vraiment un actif, ou est-ce que c'est plus quelqu'un de réfléchi, ou un petit peu à l'anglaise Non, c'est vraiment un très gros actif. C'est-à-dire que sur le terrain, il s'arrête pas. Hein. Il faut qu'il est attentif à tous les détails. Et il est surtout très exigeant dans l'attitude des joueurs. Et il est très... À chaque fois que quelque chose ne va pas, il va s'énerver, il va murmurer quelque chose dans son coin. On va entendre, quand quelque chose n'ira pas, on va le voir tout de suite à son visage. Hein. Ça fera aucun doute. Et il aime que le jeu, il aille vite. Hein. D'ailleurs, je sais pas si vous aviez déjà vu un moment en Italie. Il a été exclu d'ailleurs parce que à la 85e minute du match contre Genoa, alors que le match était à 0-0, il y avait déjà un peu la pression à ce moment-là, la Fiorentina. Le ballon allait sortir sur la ligne, mais il n'était pas encore sorti. Alors lui, il a attrapé, il a arrêté avant pour le remettre très vite en jeu, et il s'est fait expulser du coup. Normal. C'est un petit peu sa marque de caractère. Normal. Toi, oh, pas de souci. En France, il n'aura pas de problème avec ça. Ou quoi que, encore un gars qui va trop vite. Que... Ça peut peut-être poser ça des problèmes en Ligue 1. Bizarre, des fois. Ah oui, non, mais c'est... Lucas, t'avais une question peut-être ? Ouais, pour en revenir côté terrain, justement, puisqu'on parle de, on parlait de ça. J'ai oublié ma question. Moi, je vais la prendre, ma question. Je l'ai entendu aujourd'hui parler de tactique 4-4-2, 4-3-3. Il disait qu'il n'était pas forcément fan de ça, qu'il préférait plutôt que ça bouge. Derrière, il y a Pablo qui a pris la parole en disant qu'il était prêt à jouer à 3 défenseurs. Est-ce que c'est quelque chose, des tactiques qu'il apprécie, ça ? C'est très difficile au niveau vraiment du système de jeu, c'est difficile, je peux vous dire le style de jeu, mais le système, il a essayé tellement de systèmes différents au cours de sa carrière, il a joué en 4-2-3-1, en 3-5-2, en 3-4-3, en 4-3-3, il a vraiment beaucoup varié dans son style, mais c'est sûr qu'il n'a pas peur de jouer à 3 défenseurs, il l'a fait beaucoup à la Fiorentina, et aussi à Bâle, quand il était au FC Bâle. Par contre, ce qui est vraiment sa marque, c'est vraiment dans le style de jeu. C'est-à-dire qu'il aime que la construction, elle démarre tout de suite dans la défense. C'est-à-dire que les défenseurs sont les premiers lors de la transition offensive, c'est les défenseurs qui commencent. Donc ils montent, ils jouent très en bloc, et tout de suite, il faut qu'il y ait tout de suite plusieurs solutions à l'avant. Donc c'est un jeu qui bouge énormément, et qui est vraiment très très plaisant à voir. Il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de décrochages. Les attaquants sont toujours en train de bouger pour brouiller les marquages adverses. C'est vraiment un jeu qui, je pense, va vraiment ravir les supporters. Alors ça. Mais alors, par contre, si c'est vraiment ça l'objectif de Paulo Sousa à Bordeaux, il va y avoir du travail parce que on en est très loin. C'est ce que j'allais te dire. C'est-à-dire que moi aussi, j'ai entendu que Paulo Sousa était un amateur des défenses à 3. Il me semble qu'il a. Tu m'as dit qu'il était passé par Tel Aviv notamment et qu'il s'était déplacé à Bordeaux. Il me semble que Tel Aviv avait joué en 4-4-2. Est-ce que c'est plus quelqu'un qui... Là, pour le coup, j'ai deux questions. Est-ce que, dans un premier temps, sa défense à 3 paraît réalisable à Bordeaux au vu de... Parce qu'on a vu sur les précédents matchs, Bordeaux, les positionnements défensifs, notamment Maxime Pungé, mais pas que. Enfin, c'était assez laborieux. Est-ce que ça peut coller avec l'effectif qu'il a aujourd'hui au Girondins de Bordeaux ? Et aussi, est-ce que c'est quelqu'un qui s'adapte plus ou moins à son adversaire ou qui va tout de même s'accrocher à son style de jeu si ça fonctionne pas ? Alors... Pour la première question, je dirais que je pense qu'il va pas arriver et vouloir imposer sa tactique préférentielle. Il va regarder ce qu'il a, surtout là tout de suite quand il arrive, c'est pas son effectif. Il va regarder l'effectif qu'il a, il va bien analyser. Alors là, c'est un vrai acharné. Il va prendre tout ce qu'il peut avoir comme information et forcément, il se posera soit en une défense à 4, soit à 3 s'il verra qu'il a la possibilité de le faire. Ça sera vraiment par rapport à l'effectif qu'il va avoir cette année. Par contre, il n'est pas impossible que si l'année prochaine, on lui laisse un peu plus de liberté au niveau des recrues, qu'il puisse avoir un effectif flexible pour pouvoir imposer dans certains matchs une défense à 3 et dans d'autres une défense à 4. Concernant la deuxième question, alors là, on peut s'attendre. Une chose est sûre, Paulo Sousa, peu importe qui joue le Real Madrid, qui joue le PSG, ou peu importe l'équipe laquelle il va jouer, il va toujours jouer dans le même style. Il va pas jouer défensif, il va toujours jouer les yeux dans les yeux. Et d'ailleurs, je vous invite à regarder le match en Ligue des Champions avec le FC Bâle quand il a joué face au Real de Madrid, en phase de groupe. Et je peux vous dire que vous pouvez voir tout de suite qu'il a pas eu peur de jouer le Real. Il a joué dans le même style, toujours aussi offensif, avec autant de mouvements. Et c'est juste pas passé parce que l'effectif du FC Bâle, bon, bah forcément, quand on le compare à celui du Real, je pense qu'il manquait un peu de qualité dans son effectif pour pouvoir faire un peu mieux. Mais si vous avez l'occasion de re-regarder ces matchs, vous pouvez voir que Paulo Sousa, il va pas se défaire face à une grande équipe, peu importe l'équipe. Il va jouer toujours, il va garder sa philosophie de jeu, toujours un jeu attractif. Ça tombe bien parce que Bordeaux va jouer et Lyon et Marseille, entre autres, au mois d'avril. Ouais, et puis en plus, le match qui souligne, il me semble que je m'en souviens, c'est avec Alexander Frey, il me semble, en pointe d'attaque, avait non ? Sur le premier match, oui, sur le deuxième, il a eu un souci avec justement avec Frey qui n'était pas disponible. Il a joué avec un arrière-gauche, j'ai oublié un peu là le nom, je me souviens plus. Il l'a mis en pointe et c'est là que ça a vraiment pêché, qu'on voyait surtout qu'il était joué deux au but. Et il jouait avec deux faux neufs, enfin, ou deux dix plutôt, qui étaient en appui sur cet attaquant qui était donc adapté. Et c'est ça qui a un peu pêché dans la finition, mais... au niveau du jeu, c'était quand même assez... C'était beau à voir, quoi. Une équipe qui s'est pas pliée face au Real. Il n'a pas abandonné sa philosophie, c'est certain. Donc je vois pas Paulo Sousa changer de style juste parce qu'une équipe est un peu différente. Il jouera de la même manière face au Real ou face à Evian ou peu importe. Hein. Bruno, moi j'ai lu quelque part que Paulo Sousa c'était un coach qui s'occupait un petit peu de tout à l'intérieur d'un club. À Bordeaux, on est en train de vraiment tout restructurer avec Varela, avec Massia qui arrive en directeur sportif. Est-ce que tu penses qu'au niveau du recrutement, c'est un coach qui écoute et qui est dans le partage, ou plutôt un coach qui va imposer ses choix? Alors, je ne sais pas si tu as compris le sens de ma question, parce que je pense que le partage, c'est pas forcément ça, mais qui est plus dans le... Je comprends qu'il est capable de travailler en équipe, voilà, assez facilement, c'est ça. Un petit peu des deux. Je pense qu'il y a des points sur lesquels il va sentir qu'ils sont urgents, où je pense qu'il va vraiment essayer d'imposer et de faire comprendre qu'il y aura une urgence à certains postes, ou voire dans certaines philosophies, de ce qu'il aimerait bien voir dans le projet, et surtout de ce qu'on lui a parlé aussi de projet. Mais il est aussi tout à fait capable de travailler en équipe. Ça. Il n'a jamais eu de conflit hein, partout où il est passé. Il a toujours été capable. Il a eu des directeurs sportifs, notamment à la Fiorentina. D'ailleurs, ça avait bougé un peu pas mal. Il y a toujours eu une bonne entente. Ça a toujours eu des bons échanges. Par contre, quand il voit qu'il y a quelque chose qui est un problème, qu'il y a quelque chose qu'il faut renforcer, il va vraiment se faire écouter. Moi, j'ai une dernière question. Eh bien, je m'en souviens plus. Je t'ai écouté. Lucas, est-ce que t'as retrouvé ta question de tout à l'heure? Je l'ai posée tout à l'heure. Parfait. Mais pour le coup, j'en ai une autre. Vas-y. Bruno, Paulo Sousa, comment dire? Tu disais que c'était qu'il me semble. Alors, il me semble que s'il avait plus ou moins de mobilité dans le recrutement, ça pourrait, comment dire, mieux coller avec l'effectif du FC Girondins de Bordeaux, si je me trompe pas. J'ai mal entendu la question, pardon. Non, je disais, si j'ai bien entendu ce que tu as dit, tu as dit que si Paulo Sousa avait un peu les clés du camion niveau recrutement, c'était plus favorable pour lui qu'en termes de contexte, c'est bien ça? Oui. Alors, de mémoire, comment dire, à la... pardon. Quand il était à la Fiorentina, la deuxième année, il avait un effectif un peu plus jeune que sa première année, non? Oui. Est-ce que ça peut coller pour le coup avec la politique de recrutement des Girondins de Bordeaux qui est de recruter jeunes, qui est de recruter... Alors, pas que jeunes. Mais en partie, c'était quand même le message principal envoyé par M. Agrossa. Faire du trading. Exactement. Quoi. Est-ce qu'avec un effectif basé de jeunes, Paulo Sousa va savoir comment dire s'acclimater et pouvoir proposer ce qu'il a envie de proposer? Je pense que très honnêtement la réponse est oui. Et il suffit de regarder, comme tu disais, à la Fiorentina, je prendrais par exemple, il a eu Federico Chiesa, qui a été récupéré dans l'équipe Primavera en U19, et qui aujourd'hui c'est l'un des meilleurs joueurs de l'équipe de la Fiorentina. Et il y en a eu un autre son nom vous parlera peut-être un peu plus. Bernardeschi, qui est donc à la Juventus maintenant. Et bon, quand il avait été revenu de prêt, c'était de sa première année, et il a réussi à les mettre très en avant. Et d'ailleurs, il leur a fait connaître une évolution assez importante sous ses ordres. Ces deux joueurs-là, ils ont vraiment pris un autre niveau dès qu'ils ont été entraînés par Paulo Sousa. Donc je pense qu'au niveau des jeunes, il n'y aura aucun problème. Il est capable de bonifier et de faire jouer n'importe quelle équipe au-dessus de son niveau. Donc je pense que c'est ça qu'on peut voir. Tous les joueurs, ils vont être au-dessus de leur niveau, parce qu'il va leur exiger une abnégation totale. Il va leur exiger le maximum, il va les presser comme des citrons, et forcément, ça fait que les joueurs sont toujours au-dessus de leur niveau réel. C'est ça, c'est l'une de ses principales qualités. Donc jeune ou pas jeune, il en est capable. Par contre, c'est vrai qu'avec les jeunes, c'est quand même bien aussi d'avoir des joueurs d'expérience. Ça aide surtout sur le terrain. Cyril, est-ce que tu as retrouvé ta dernière question? Oui, c'est bon, j'ai retrouvé. Alors, la dernière question. Donc, Paulo Sousa vient de signer donc un contrat de 3 ans et demi. C'est chose inédite dans sa carrière. Est-ce que pour toi, tu y vois un signe d'ambition des Girondins ou plutôt une facilité en se disant qu'il fallait l'attirer, quoi. Et parce qu'il ne faut pas oublier qu'à 250 000 euros par mois, il vaut mieux que ça marche. Parce que si ça se plante en décembre, par exemple, tu as 3 ans de contrat à lâcher derrière, hein, ou 2 ans et demi. Je pense, selon moi, hein, c'est mon opinion personnelle, je pense que Paulo Sousa, c'est quand même un entraîneur qui était très courtisé. D'ailleurs, si je me trompe pas, il est juste avant d'être à Bordeaux, il y avait la Roma qui le courait après. Et forcément, quand on est un entraîneur qui est très demandé, il faut avoir les arguments derrière pour le convaincre. Donc, il y a le côté financier et il y a le côté de la longévité et du projet. Et donc, je pense que c'est surtout l'un des arguments et pouvoir le convaincre qu'à Bordeaux, il y a un projet et que c'était la personne qui était indiqué pour mener ce projet, qui fait qu'il a eu un contrat. Il peut faire preuve de stabilité. Exactement, exactement. Il faut pouvoir le convaincre. Quand on est très courtisé, il faut pouvoir mettre plusieurs arguments sur la table. Lucas, et après on... Dernière question, et puis après on te libère, Bruno. Ouais, dernière question, Bruno. Alors, si je me remémore bien les profils que tu as cités tout à l'heure, donc c'était Federico Chiesa et Fernando Bernadeschi. Pour revenir un petit peu sur l'effectif, à la Fiorentina, j'avais regardé un petit peu l'effectif dès la première année. Alors, encore une fois, contredis-moi si je me trompe, mais il me semble qu'il avait Keita Baldé. Peut-être Jovetic, non? Jovetic, non, il y avait Kalinic. Kalinic, c'est ça, excuse-moi. Kalinic, Atletico. Et de mémoire, c'était quand même un effectif, comment dire, qui était, qui était bien différent des profils qu'il peut avoir à Bordeaux, comment dire, sur cette fin de saison. Encore une fois, est-ce que ça peut... Et puis pareil aussi, en termes de jeunes, comment dire, Tchouaméni, Koundé, alors je les ai pas tous en tête, mais Youssouf aussi. T'as Ben Raoult. Voilà, Youssouf, Ben Raoult. C'est pas les mêmes profils, comment dire, qu'il a eu quand il avait Chiesa et Bernadeschi et qu'il les a fait éclore. C'est sûr que c'est pas la même chose, mais déjà tous les championnats sont différents, donc forcément déjà le style de jeu va être différent, et je pense qu'il faut pas s'attendre là tout de suite, là dans les quelques mois qui viennent, à avoir tout de suite une équipe définie. Je pense que là, cette fin de saison, pour lui, ça va être surtout pour prendre des décisions et pour observer, pour bien préparer la prochaine. Je pense que c'est surtout ça, en fait. Il va regarder, il va bien observer les joueurs, il va tester, il va voir comment il va pouvoir... Il est en train déjà de préparer la saison prochaine, à mon avis. Merci beaucoup. Merci. On vous invite à suivre donc Footugal sur Twitter. T'as un site ? Footugal France. Footugal France. Il y a un site aussi ou c'est juste une page Twitter ? Ah non, il y a un site internet également. Donc quoi ? Avec toutes les infos sur le football portugais. Entraîneur, joueur, championnat portugais, bien sûr, en gros focus, mais un peu de tout. Parfait. Voilà. Ben, merci beaucoup, d'avoir été avec nous et de nous avoir éclairé sur, et de nous avoir informé et énormément apporté d'informations sur qui est Paulo Sousa, le joueur et surtout l'entraîneur. On espère voir, dès dimanche, alors peut-être pas dès dimanche, mais un petit peu, voilà, d'ici les prochaines semaines, tout ça se mettre en place en espérant que ça porte rapidement ses fruits. Merci beaucoup, vraiment Bruno, d'avoir passé merci ces vous, quelques minutes avec nous. Merci, bonne merci soirée. Beaucoup. Au revoir. Au revoir. Très, très sympathique ce monsieur. C'est intéressant. Alors, quand même ce qu'il a dit en dernier, parce que du coup il a dit qu'il préparerait la saison prochaine. Maintenant la question c'est de savoir quel profil dans l'effectif actuel va correspondre le plus à Paulo Sousa. Alors déjà exactement, mais de toute façon je pense que tout ce que, alors vous pourrez évidemment retrouver cette interview en podcast dès que le podcast sera fait et mis en ligne. Deuxième chose, j'ai la réponse à la question que tu m'as posée, Lucas, tout à l'heure. Juste avant cela, vous indiquez que Toulouse et Nice se sont quittés sur un match nul, un but partout, que Monaco et Lille sont toujours à égalité 0-0. Donc la réponse à ta question, Massia a été à Liverpool de 2006 à 2010. Et il n'y avait pas n'importe qui arrivait quand même à Liverpool. Et il a fait venir. Et il a fait venir. Bah, Torres, non ? À Liverpool à cette époque-là, il a fait venir Fernando Torres, il a fait venir Mascherano, il a fait venir Keut, il a fait venir Sterling, Babel. Entre autres, lors de son passage à la Fiorentina. Mais il faut raccrocher, Cyril. Voilà. Et maintenant, il faut redécrocher. Tadam. Lors de son passage à la Fio, il a découvert des joueurs comme Savic, Rossi ou Aquilani, Joaquim, Ilicic, enfin, Mario Gomez. Il y a quand même. Vas-y, tu peux raccrocher. Il y a quand même du. Il y a quand même du bon petit joueur qui... Mais même en termes de jeunes, hein, il en a fait éclore aussi, parce que 2006... Alors, il a eu des échecs aussi, on va pas se mentir. Hein, il ne peut pas avoir non plus que des... Mais restons positifs, orientons sur les réussite. Tant qu'il ne nous rapporte pas de Moussa Mazou, tout va bien. Voilà. On va continuer à parler de Paulo Sousa, cette fois-ci plus spécifiquement sur ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est-à-dire la conférence de presse d'avant-match de ce Bordeaux-Rennes. Et puis ça va nous permettre également d'aborder le match de dimanche, l'avant-match du match de dimanche entre Bordeaux et Rennes. Et pour cela, on accueille Cyril, notre prochain invité au téléphone, qui est monsieur Nicolas Morin de France 3 Aquitaine. Bonsoir Nicolas. Bonsoir à vous, merci. Merci d'être à nouveau avec nous avec dans cette merci émission, puisque la dernière fois c'était, oh là oui, c'était quand il y a eu les grandes manœuvres Poyet et compagnie. Voilà. Alors c'est à nouveau les grandes manœuvres, mais cette fois-ci on y voit un petit peu plus clair que la dernière fois qu'on s'est eu au téléphone. Oui, c'est vrai. La conférence de presse de cet après-midi, je dois, pour être parfaitement honnête, je le disais à mes collègues avant l'émission, quand j'ai lu les premières déclarations, les premières phrases sorti de la conférence de presse de Paulo Sousa, j'ai dit enfin quelqu'un qui met des mots sur ce qui va pas, et ça m'a grandement fait plaisir. Alors j'évoque évidemment ce qu'il dit sur la condition physique très mauvaise. Pour sa première conférence de presse, quelle impression deuxième si on compte sa présentation. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais vous dire, deuxième. Mais première vraiment avant match, dans le contexte avant match, qu'est-ce qu'il a déjà dégagé, comme quelle impression il a fait? Alors déjà, je crois qu'il nous fait la même impression qu'il fait aux joueurs, c'est-à-dire qu'il dégage beaucoup de chaleur, de sympathie, d'abord facile. Déjà, il fait l'effort de s'exprimer en français avec les joueurs, avec nous. Il nous dit quelques mots en français. Il le comprend très bien, d'ailleurs, parce qu'il ne nous fait pas reposer deux fois les questions. Je pense que c'est quelqu'un qui a l'expérience du haut niveau, mais surtout, il a très vite, il avait bossé avant, diagnostiqué ce qui ne va pas et ce qui va à Bordeaux. Et ça se voit. On a l'impression qu'il n'a pas du tout envie de perdre de temps. Il n'est pas là pour ça. Il sait très bien où il va, ce qu'il veut faire. Moi, ce qui m'intéresse, ce que j'ai remarqué cette semaine, outre son abord facile, il peut aussi faire de la com. Hein. Voilà, on connaît le milieu, on sait comment ça marche au début. Il peut aussi faire de la com pour montrer que tout va bien, qu'il est content d'être là. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est que il a très vite dit ce qui n'allait pas, ce qu'il voulait faire avec cette équipe et ce club. Cette équipe, ça sera à recomposer évidemment au printemps, parce que l'avantage qu'il soit arrivé aussitôt, c'est qu'il va permettre de voir de lui-même qui gardait et qui va partir de cette équipe. Mais moi, ce qui m'a intéressé, c'est que par rapport à des entraîneurs qu'on a pu avoir, et on a eu un paquet là, ces temps-ci à Bordeaux, il est très vite allé à l'essentiel. Voilà comment je veux faire bosser les gars, voilà comment ils vont travailler, voilà ce qu'on va faire, beaucoup d'intensité à l'entraînement, beaucoup de rythme, beaucoup de vivacité, un discours très clair, très carré. Le physique, ça va pas. Ça va pas, ça va. C'est quelqu'un qui dit l'essentiel très vite, sans prendre de gants, tout en restant évidemment poli, etc., etc. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va à l'essentiel tout de suite et qui n'a pas de temps à perdre, en fait. Il n'a pas de temps à perdre. Il a toujours fonctionné comme ça dans tous les clubs où il est passé. Il n'a pas de temps à perdre. Il faut que ça avance, il faut que ça bosse, il faut que ça gagne. La première impression, elle est évidemment favorable, mais pas par rapport à... je parle de mon cas personnel, pas par rapport à moi, ça m'est égal. J'ai des entraîneurs, on en a connu, des joueurs, on en a connu, il y en aura d'autres, etc. Mais dans la manière dont il est avec les dirigeants, comment il se comporte avec les joueurs, comment on le voit faire à l'entraînement. Moi, lundi, le premier entraînement, c'était incroyable. Il courait partout, il avait son carnet à la main, il arrêtait les exercices, il reprenait, il allait voir les joueurs. Voilà, c'est très clair, très vite pour tout le monde, et ça, c'est très bien. Moi, quand je vois sa conférence et qu'il dit qu'il a ciblé plusieurs points qui n'allaient pas et qu'il travaillait fréquemment, notamment les coups de pied arrêtés, je peux pas te dire quel bonheur j'ai ressenti, parce que depuis le premier jour de la saison, je trouve qu'il y a des problèmes au niveau des coups de pied arrêtés. Encore une fois, c'est très bien que les coups de pied arrêtés, parfois, c'est compliqué, il suffit qu'il y en ait un qui lâche le marquage, etc. Mais c'était récurrent de prendre des roustes, ou en tout cas de prendre des buts sur coups de pied arrêtés. Je veux dire, ça, il l'a vu et il va les faire bosser, parce que, alors Eric Bédoué nous disait régulièrement ces temps-ci que plus il bossait les coups de pied arrêtés, plus il prenait de buts. Bon, voilà. Alors peut-être qu'après, il faudra essayer de travailler. Peut-être parce qu'il ne les bossait pas bien non plus. Ouais, voilà. Oui, mais après, on n'est jamais dans la tête des joueurs, et je pense que les joueurs, s'ils sentent qu'il y a un entraîneur derrière et un staff qui va pas les lâcher un quart de seconde là-dessus, je pense qu'ils vont être très très concentrés, ils auront les yeux ouverts, parce que chacun saura quelle zone il a à couvrir dans la surface ou quel joueur il va avoir en face. Je pense que là-dessus, il y aura plus d'impréparation en dehors du terrain d'entraînement. C'est-à-dire quand le match, par exemple, contre Rennes dimanche, chaque joueur sur les coups de pied arrêtés va savoir qui il aura en face de lui, quel joueur il aura dans sa zone. Ça m'étonnerait qu'il le découvre au dernier moment. Nicolas, très, très franchement, ça fait... Alors, on ne te présente plus, ça fait quand même un paquet d'années que tu suis les Girondins, ouais, en tant que journaliste et aussi sûrement en tant que supporter. Nous, en tant que supporter, franchement, moi, t'imagines pas le bien que ça me fait de voir un type arriver. Et je pense qu'il y en a un paquet dans cet effectif, ça va leur faire bizarre, hein, franchement. Ouais, et puis moi, il y en a un paquet, à mon avis, ça va leur faire drôle. Bah, c'est ce qui manquait à ce club, c'est ce qui manquait. C'est ce qui manquait, un coup de pied aux fesses un peu général, une autre manière de travailler, mais surtout travailler vraiment. Encore une fois, lundi, l'entraînement qui était ouvert, enfin, vous étiez hein, au public et aux médias, etc. Moi, ce qui m'a épaté, impressionné d'entrée, c'est que tout était prêt. Alors, ils ont vidé tout le haillon, je pensais, en termes de plots, de haies, de tout ce qu'ils ont pu trouver. J'ai l'impression d'être chez Decathlon. Mais en revanche, sur le terrain, il y avait des ateliers précis, des explications, et il y avait énormément d'intensité. En fait, maintenant, ils vont travailler. Est-ce que c'est pas ça le professionnalisme? Mais c'est ce qui manque à la France. Les mots même que j'ai eus avec mes collègues avant l'émission. On le sait, en France, on travaille pas en foot. On est d'accord. On vit sur ses acquis, on va pas trop loin, pas trop mal, pas trop longtemps. Je veux dire, avec Paulo Sousa, je pense qu'il va y avoir des petits déjeuners au Hayan. Ça va arriver. Ils vont être convoqués très tôt, ils vont s'entraîner, ils vont manger ensemble. Alors là, il l'a fait cette semaine, mais c'était plus pour faire connaissance, pour rester entre eux, entre les deux. Là, il y a eu deux fois deux séances par jour, mardi et jeudi. Mais je pense que ce sera récurrent la saison prochaine. Et voilà, il faut bosser. Mais c'est pas propre à Bordeaux. Quand Mathieu est arrivé à la Juve, Mathieu dit, tout ce qu'il a trouvé à dire, c'est que j'ai découvert qu'on pouvait travailler. Mais c'est ça. Ouais, voilà. Rudy Garcia avait dit la même chose quand il est arrivé à la Roma. Le mec, il dit, oh, c'est un autre monde. Je me rappelle, à l'époque, hein, il y a très très longtemps de ça, de Thierry Henry aussi, qui avait eu les mêmes mots quand il arrive à la Juve, Aubameyang, enfin, c'est hallucinant, tous. Non, mais il n'y a pas de secret, sans faire les bourreaux et les idiots. C'est parfois incompréhensible de voir des joueurs marcher à l'entraînement. Je veux dire, c'est pas possible. Mais alors. C'est pas possible. Nicolas... Là, ils vont pas marcher avec Paulo Sousa, ils vont pas marcher. Parce que moi, j'ai une image en tête, pardonnez-moi. Lundi, ils changent d'exercice. Les joueurs avaient l'habitude, forcément, de marcher entre deux exercices. Il a tourné la tête, il les a regardés avec la main, il leur a fait signe d'accélérer. Ils sont partis en courant à l'exercice suivant. Au bout d'un moment, voilà, c'est les entraîneurs qui ont connu d'autres championnats. Alors, on peut critiquer, pas critiquer son passé d'entraîneur, mais ça a été un joueur de très haut niveau qui a joué dans des grands clubs, qui a été international 50 fois. Qui a gagné deux Ligues des Champions. Voilà. Et il sait ce que c'est que le très haut niveau et comment on y arrive au très haut niveau. Alors, Bordeaux va pas gagner avec des champions, mais s'il veut faire de Bordeaux une équipe qui joue le haut de tableau, il sait par quoi ça passe. Voilà. Et ça, c'est très bien. Et surtout, j'ai toujours entendu, je disais à mes collègues avant l'émission, j'ai toujours entendu des anciens pros, des anciens joueurs dire, on joue comme on s'entraîne. Bah oui. Et bah quand on voyait Bordeaux jouer, les entraînements, Nico, toi, tu les suis plus que nous. Je pense que il y avait pas de mystère. Quand tu voyais les mecs trottiner, pas tous, mais bon, tu voyais qu'il y en a certains qui se donnaient plus que d'autres, et je pense que c'est à l'entraînement ce qu'on devait voir aussi. Ceux qui se donnaient le plus à l'entraînement, on devait le voir aussi le week-end. Et là, l'avantage d'avoir un entraîneur étranger à la culture française, c'est que lui, il fera pas de sentiments. Si les mecs ils jouent pas le jeu toute la semaine d'entraînement, ben je pense qu'ils iront s'asseoir sur le banc. Et c'est normal. C'est comme ça que ça marche partout, sauf chez nous. Mais ça fait du bien. Oui, ça fait du bien. Alors encore une fois, on va attendre quelques semaines, quelques mois. Probablement la saison prochaine, quand il y aura le recrutement qu'il veut, les joueurs qu'il veut, etc. Ou en tout cas qu'il souhaite, pour voir exactement jusqu'où il peut amener cette équipe. Mais en tout cas, les premières impressions, en termes de boulot, de respect, d'investissement, quand il dit que c'est un géant qui sommeille, Bordeaux, waouh. Ben oui. Alors un géant, peut-être que le terme est peut-être un peu excessif, et encore, sur le plan du football français, Bordeaux est un grand club. Je dis que ça sommeille, oui, il a tout dit, ça dort. Depuis des années, Bordeaux, ça dort. D'ailleurs, c'est un petit peu les propos de Monsieur Longuepé cette semaine. Et donc, du coup, tu penses vraiment que ce coach-là, c'est vraiment le coach qu'il faut pour ce projet-là. Et du coup, on va dire que Joseph Dagrossa, Varela ont bien fait d'anticiper ce mouvement avant la fin de la saison. Alors oui, pour deux choses. La première, je suis pas sûr que Paulo Sousa, qui cible quand même depuis plusieurs semaines, il aurait été encore libre au mois de juin. Ça, c'est pas sûr, parce que là, il était sans club, et c'est pas sûr qu'il soit resté très très très longtemps. Et l'autre raison, c'est que je pense que nous, on s'est imaginé, quand je dis nous, c'est nous, hein, certains journalistes, moi le premier, que la saison était terminée, voilà, milieu de tableau, Bordeaux va finir sa saison plan-plan, en dormant. Mais pas du tout. Pour les propriétaires et les nouveaux dirigeants, ça les amuse pas du tout ce qui s'est passé, et surtout dans l'attitude générale et dans le comportement. Eux, ce qu'ils veulent, et Frédéric Longuepé nous l'a expliqué cette semaine, ils veulent un groupe qui retrouve la culture de la gagne. Donc, il reste 10 matchs, ils veulent les voir gagner maintenant, se réhabituer à gagner, même s'il n'y a pas d'enjeu sportif sur la fin de saison, il n'y aura pas d'Europe, il n'y aura pas de drame avec le maintien, mais ils veulent les voir se réhabituer à gagner. C'est-à-dire, c'est une attitude qu'ils veulent que Paulo Sousa leur inculque, et c'est pour ça qu'ils ont changé maintenant. Parce qu'ils se disent, ça suffit, il reste deux mois. Maintenant, on prépare la saison prochaine, donc on bosse maintenant. C'est pour ça qu'ils ont changé. C'est mot pour mot ce qu'on disait avant l'émission avec mes collègues. Je disais, j'ai pas entendu. Ah non, mais franchement, on est en connexion. C'était off. On est en connexion ce soir. Parce que on se disait tous après Montpellier, les matchs en retard, qu'on s'est dit, bon, si on gagne les matchs en retard, gagnant Montpellier, on va peut-être pouvoir arriver. Puis au final, tu fais une défaite et tu te dis, et on s'était dit, la saison, elle va être d'un chiant. Et là, moi, alors certes, en termes de sportif, on n'espère plus rien. Mais en termes, il y a un espèce, moi, il me vient un espèce de truc en termes d'engouement, de me dire, allez, on va voir, voilà, il y a enfin un peu d'excitation qui revient à Bordeaux. Je suis content d'aller au stade dimanche. C'est exactement ça. Parce que, et puis il y a aussi une manière, il reste deux mois de saison, un peu plus, hein, deux mois et quelques, c'est une manière aussi de donner date. Prendre rendez-vous avec les supporters pour la suite, pour leur donner envie de venir. C'est un petit avant-goût de l'année prochaine. Oui. Bah, alors même si le groupe va beaucoup bouger, dans la manière d'agir, c'est ce qu'on veut faire. Donc venez au stade. Et puis, c'est important. Et puis il y a quand même un petit nuage dans tout ce qu'on raconte depuis tout à l'heure qui n'est que chose positive. Quand il dit quand même un truc terrible en conférence de presse, enfin terrible, la condition physique des joueurs est très mauvaise. Il dit pas elle est pas bonne, il dit pas elle est insuffisante, il dit pas elle est mauvaise, il dit elle est très mauvaise, c'est une catastrophe. Il faudra 3 semaines pour être prêt, mais l'équipe est très motivée et heureuse de son arrivée. Et ce à quoi il rajoute, nous avons dû réduire carrément la charge de travail parce que par rapport à ce qu'on souhaite faire, ils sont pas capables, ils sont pas au rendez-vous. C'est quand même une sacrée boîte. À ce qui se faisait avant, quand même. C'est quand même un sacré tacle à la gorge à ceux qui étaient là avant. Oui, effectivement, on peut le prendre comme ça. On peut aussi se dire que Bordeaux a joué beaucoup, beaucoup de matchs entre les qualifs de l'été et la Ligue Europa. Et mine de rien, ça fait 2 mois de compétition de plus, par exemple, que Lille ou Montpellier. C'est pas une excuse, mais quand ils les trouvent aujourd'hui complètement cramés mi-mars, je pense que depuis juillet, voilà. Et puis, il y a aussi une donnée. Parce qu'on sait très bien que le mental joue beaucoup sur le physique. Avec tout ce qui s'est passé cette saison, tous les changements d'entraîneur, le changement de propriétaire du club, le bazar que ça a été ces dernières semaines, ça a commencé depuis le mois d'août, je pense que ça a laissé des traces aussi, physiques, en tout cas en termes d'influx nerveux chez les joueurs. Je pense qu'ils sont aussi cramés pour ça, parce que la saison, elle est vraiment lourde à porter. J'en parlais autre jour avec Benoît Costil, de ça justement. Et c'est lui qui me disait, mais regardez, tout ce qui s'est passé, c'est tout sauf une excuse. Mais on est des êtres humains et au bout d'un moment, ça pèse. Ah bah le stress, et ça, je veux bien le croire sur la durée. Mais en revanche, qu'ils soient cramés et qu'un entraîneur le dise, moi je trouve ça génial. Parce qu'en général, c'est la langue de bois, c'est ils sont pas très bien physiquement. Là, il le dit ouvertement, ils sont cramés. Voilà, c'est bien. Lucas, oui, bonsoir. C'est très bien. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Je vous écoute parler depuis tout à l'heure. J'avais une question à vous poser parce que j'ai entendu vos propos sur la conférence de presse de M. Paulo Sousa. Je vais être franc avec vous, dire que ce qui ne va pas en conférence de presse, j'attends pas ça d'un entraîneur, plutôt je l'espère, même qui sait ce qui va pas quand il arrive. Et il y a quelque chose que je comprends pas, alors sans vous manquer de respect dans vos propos, c'est que vous nous dites que le président Longuepée veut retrouver un groupe qui a la culture de la gagne, qu'il ne veut pas de cette place en haut de tableau, qu'il veut, voilà. En bas de tableau plutôt, oui, excusez-moi. Et même en milieu de tableau. T'imagines le mec qui vient au haut de tableau, ça nous intéresse pas. Non, on veut pas. En bas, mais même en milieu de tableau. Et ce que vous avez dit, il me semble, c'est que c'était quelqu'un qui venait sur. Qui apportait des solutions sur le long terme. Je me trompe pas ? Non. Ouais, vas-y. Est-ce que, au contraire, M. Paulo Sousa n'a pas les solutions là Est-ce que vous pensez, ou du moins, que Paulo Sousa n'a pas déjà les solutions là dans l'immédiat ? Dans le but, alors bon, je m'enflamme peut-être, mais de viser une possible 5e place comme l'an dernier. Une espèce de remontada, de dire allez. Oui, parce que quand on regarde le classement, mathématiquement parlant, c'est encore loin d'être. Est-ce que secrètement, Bordeaux se dit pas, on peut peut-être. Alors attends, je regarde, Bordeaux est 13e avec 33 points, la 5e place, t'as 10 points de retard quand même. Non, mais il reste 10 journées. Non, mais d'accord, mais surtout, regarde le calendrier pendant 10 journées, il me semble que tous les 5, 6, 7 premiers vont tous se jouer entre eux. Alors. Du coup, ça c'est possible. C'est possible. Je vais jeter un coup d'œil, mais c'est possible. Oui. Bah, tous non, c'est possible qu'ils se le disent. Je pense qu'il va quand même falloir gagner 2 ou 3 matchs pour espérer quand même remonter un petit peu au classement. Il va falloir enchaîner. Parce que depuis janvier, il n'y a pas beaucoup de victoires en championnat. Donc là, ils ont changé. Ils voient des joueurs fatigués. S'ils gagnent dimanche et qu'ils font un résultat d'ici jusqu'à Marseille à peu près et qu'ils gagnent 2-3 matchs à la suite, peut-être qu'ils y penseront. C'est possible. Mais dans leur tête et dans leur esprit, je pense qu'il ça veut pas dire préparer la saison prochaine, ça veut pas dire qu'ils se foutent de ce qui se passe à la 10 dernières journées. C'est se servir de ce qu'ils connaissent maintenant du club, des joueurs, pour bien sûr essayer de gagner tout de suite. C'est pas Paulo Sousa, il veut pas prendre 3-0 contre Rennes dimanche, ça n'intéresse pas. Il veut gagner le plus de matchs possible. Mais il sait aussi qu'il arrive dans un club qui est 13e et qui, à moins d'un miracle, aura du mal à accrocher le haut de tableau. Ça ne veut pas dire qu'il n'y croit pas. Ça veut dire qu'il y a quand même une réalité sportive et comptable en Ligue 1 aujourd'hui et avec la place de Bordeaux. Alors qu'il est pas là pour se regarder jusqu'à la fin de la saison et ni préparer l'avenir. Bien sûr qu'il veut gagner des matchs. Mais bon, il va quand même falloir un sacré concours de circonstances pour arriver à finir 5e. Et mine de rien, quand on voit... Je pense, mais c'est mon avis. Je ne suis pas dans sa tête. Dans la semaine, il y a eu un rapport comme quoi Bordeaux avait déjà une vingtaine de millions de déficits. Ouais, alors ça c'est à moduler parce que c'était hors vente Malcolm. Donc c'est 20 millions, l'exercice comptable, c'est assez compliqué parce qu'ils tiennent pas compte des balances de transfert, etc. Donc bon, là-dessus, je veux dire, quand... Donc on n'est pas sûr, en fait. Ça peut pas être une des motifs, justement, d'aller viser même 7e place plus haut tu viseras, mieux ce sera. De toute façon, quand ils ont racheté le club, lorsqu'ils ont présenté le budget à la DNCG, Joe La Grossa et Jean de King Street, ils avaient établi sur une 6e place. Budgétairement, 6e place. Bon, voilà. Peut-être qu'ils seront 6e, auquel cas ils rentreront, entre guillemets, dans leurs frais. Si c'est pas le cas, ils perdront un peu d'argent. Mais bon, c'est pas un drame pour eux. Mais c'est évident. Plus ils finissent haut, plus ils vont gagner de l'argent. Mais je crois que ils s'en foutent pas. J'ai pas dit ça. Ils ont pas aucune ambition pour la fin de la saison. J'ai pas dit ça. Mais je pense qu'ils bossent vraiment pour la saison prochaine. Ça veut pas dire qu'ils se contenteront de finir 15e. J'ai pas dit ça encore une fois. S'ils peuvent finir 6e ou 7e, ils le feront. Mais il y a quand même une réalité aujourd'hui qui fait que Bordeaux est plus près du ventre très mou que du haut de tableau. Quand même. En parlant justement du futur, vous avez été un des premiers à tweeter à propos de Massia. Qui devrait pas tarder à arriver. Est-ce que vous avez des... Normalement, oui. Le haut dirigeant qui n'est pas le Ric Ramé, comme certains me l'ont dit sur... je sais pas, c'est pas le Ric Ramé, ma source. Sous 15 jours. Sous 15 jours. Ce qui a été dit avant-hier. Sous 15 jours. Donc, est-ce que c'est 15 jours? Est-ce que ça sera un poil plus? Si je crois la personne qui m'a dit ça, c'est plutôt 15 jours. Mais oui, il va entrer en fonction à Bordeaux et puis il va surtout arriver avec son réseau de scouts. Ça qui est intéressant. Ah, est-ce que, donc, du coup, il a plus un rôle dans le recrutement que dans l'identité? Ça sera le boss du recrutement. Ça sera le boss du recrutement, complètement. C'est-à-dire que ça va être un directeur sportif vraiment ancré sur le recrutement et pas forcément sur l'identité du club. L'identité, en fait, quand on dit identité. Ça va être très clair. Il y a un directeur, il y a un président qui est vraiment administratif. Il y aura un directeur sportif qui sera le patron du sportif. Et il y a un entraîneur qui est quand même un entraîneur qui dépasse le cadre du banc. Donc ils vont travailler ensemble. Mais Eduardo Massia, lui, il va arriver, c'est avec ses réseaux et ses scouts qui bossent pour lui. Alors il va pas faire que le recrutement. Mais bon, quand même, quoi. Alors, en grande partie. Petite parenthèse, en parlant de scouts, justement, c'est je pense que ça doit être un compte Twitter qui se nomme Scouts in Attendance. D'accord. Qui nous informe que, apparemment, Benfica en Europa League hier recevait le Dynamo Zagreb. Ouais, ils ont gagné 3-0. À l'Estadio d'Alouz. Et une rencontre à laquelle quelques scouts des Girondins auraient assisté. Alors, c'est selon ce site, ou je sais pas comment on appelle ça, Twitos, ou je sais pas ce que c'est, ce compte, qui rappelle que les observateurs s'étaient déjà pensés sur le match aller entre les deux équipes. Les Croates l'avaient emporté 1-0. Donc, d'après ce garçon, il y aurait déjà des émissaires qui seraient envoyés pour... Ouais, mais je crois, alors j'ai pas son nom, mais je crois qu'il y a un Espagnol qui joue au Zagreb. Olmo. Côté gauche, non? C'est ça. Côté gauche. Exactement. Qui plaît beaucoup, mais c'est pas le seul, mais qui plaît beaucoup aux décideurs bordelais, on va dire. Dani Olmo. Du Dynamo Zagreb. À Barcelone. Ouais. À Barcelone. Voilà. Et on apprend également, puisqu'on est dans la petite parenthèse mercato, ça va déjà arriver presque le mercato, on est presque avril, on va commencer à parler. Mais il bosse déjà dessus. Alors, Camano, la Real Sociedad s'intéresserait à François Camano. Ouais, c'est vrai. S'intéresse. Non, c'est s'intéresse. D'accord. Alors après, avec le prix... À mon niveau, c'est s'intéresse. Après, c'est Camano, l'épisode, on le connaît au mois de janvier. Mais oui, non, là, il a plus qu'un bon de sortie, Camano. Quand je pense qu'on aurait pu le vendre à prix d'or à Monaco, punaise. Ben ouais. Alors après, on a peut-être été trop gourmand. Dommage. C'est possible. Je sais pas. C'est toujours pareil. Est-ce qu'il faut vendre à 18 millions cash plus des bonus? C'est ça. Ou est-ce qu'il faut dire à Monaco on veut 30 et puis je sais pas. C'est toujours facile après. Hein. Mais sur le coup c'est curieux, mais c'est toujours facile après de dire ils auraient dû. Voilà. C'est compliqué. Mais ce qui est sûr c'est qu'ils sont ambitieux parce que moi ce qui m'intéresse à titre professionnel dans ce rachat du club qui était quand même mou au début, on voyait pas grand chose, il se passait rien dans les premières semaines, dans les premiers mois, on s'est dit bon les fameux 100 jours dont on parle toujours quand quelqu'un arrive, on s'est dit bon qu'est-ce qu'ils font, ben là il y avait pas grand chose, sauf que ils sont actifs en coulisses, il y a des stratégies qui se mettent en place en termes commercialisation des matchs, des retombées, du sponsoring, etc. La stratégie commence à se mettre en place sur le terrain, et c'est là-dessus que je veux en venir, c'est qu'on a beaucoup parlé du mercato, moi le premier, des U19, on va dire, en étant un peu méchant cet hiver, des joueurs qui sont arrivés au Girondin, des paris ou pas pour la suite, ça on verra, mais ils font pas que ça, parce qu'ils sollicitent beaucoup de joueurs de haut niveau, confirmés, et qu'ils ont envie de faire venir. Donc en clair, je pense pas qu'ils se mettent beaucoup de freins en termes de recrutement. Par exemple, il y a des joueurs français qui ont été contactés cet hiver, qui le sont encore aujourd'hui, qui sont en équipe de France, pour savoir si le projet bordelais les intéresse. Ça ne veut pas dire que ça se fera, j'ai pas dit ça. Mais, Olivier Giroud, par exemple. Mais donc ça veut dire qu'eux, ils ont envie de frapper fort aussi. Il faut pas les voir, et moi j'ai fait l'erreur au début, c'est pour ça que je le dis d'autant plus facilement, il faut pas les voir, pour en avoir beaucoup parlé avec plusieurs dirigeants, comme on est juste là pour faire du pognon avec des jeunes joueurs et faire du trading. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est effectivement de faire ça, bien évidemment. C'est essayer de faire ce qu'a fait Lille, qui est un peu l'idée, même si on connaît les problèmes qu'a eu Lille, financiers, etc., etc. Mais ils veulent aussi être très vite en haut. Ça les intéresse pas d'être dixième. Et ils savent très bien qu'avec des jeunes joueurs, c'est compliqué au début, comme avec des vieux. Donc, ils vont être actifs sur le mercato pour avoir des joueurs expérimentés. Peut-être Adrien Silva, peut-être Olivier Giroud, peut-être des joueurs comme ça pour encadrer des joueurs un peu plus jeunes, et en tout cas pour revenir à Otavio, c'est évident. Ils me font venir Giroud à Bordeaux, mais je crois que c'est la meilleure recrue que j'espérais. Alors à l'époque, au mois de janvier, parce qu'il a déjà été contacté en janvier. Ça serait magnifique. Il a été contacté en janvier, Olivier Giroud, pour tout vous dire, enfin à mon avis, ce que j'en sais à mon niveau. Il n'a pas dit non sur le principe, il a juste estimé que c'était un peu tôt dans sa carrière pour venir à Bordeaux. Oui, parce qu'il n'est pas si vieux que ça, il doit avoir quoi, 31 quand même, voilà, il a quand même eu 3 buts encore hier, je veux dire, oui. Voilà, on aime ou n'aime pas, mais 3 buts, une passe D, ça voilà, va. Alors peut-être que ça ne se fera pas cet été, parce qu'il considère qu'il a encore une saison à faire en Angleterre, c'est possible, mais... Voilà, mais c'est pas qu'ils se fixent pas de limite, mais ils ont envie de taper haut. Voilà. Et en même temps, est-ce que c'est pas justement ça, le truc de pas se fixer de limite? Tente, et puis si ça marche, ça marche, si ça marche, ben pas, oui, ça marche pas, mais au moins tente. Ça. C'est exactement ça. Je pense qu'ils vont. Puis Souza, il a des réseaux, il connaît beaucoup de joueurs, bon voilà, les scouts qui sont arrivés connaissent du monde. Ils vont dénicher des joueurs, je pense, pour faire une bonne équipe à Bordeaux. En tout cas. Je vois pas des mecs être venus acheter un club 75 millions, 80 millions pour végéter. Non, c'est pas possible. Après, ça marchera peut-être pas. D'accord, ça marchera peut-être. En tout cas, ils vont faire ce qu'il faut pour que ça marche. C'est pour ça que c'est intéressant de voir comment ils travaillent en ce moment et de voir comment ils professionnalisent le club dans beaucoup de secteurs parce qu'il en avait besoin, notamment sur le plan administratif. Hein, et c'est pas fini parce qu'il va y avoir d'autres recrutements au niveau de la direction du club. Donc c'est quelque chose qui se met en place. Alors on a tous envie forcément que ça aille très vite. Mais voilà. Je pense qu'ils sont en train de travailler pour l'instant intelligemment. Et je le dis d'autant plus facilement que j'avais pas forcément cet avis-là il y a 2 mois. En parlant des changements, je viens d'y penser là en même temps que je t'ai entendu Nicolas. Est-ce que tu as des petits bruits, des retours sur justement comment sont perçus, c'est parce que c'est les grandes manœuvres, hein. Voilà, c'est l'armée qui effectue les grandes manœuvres apparemment au sein du club. Comment justement, peut-être par les employés, les gens, hein, les salariés du club, comment sont vécus ces changements? Est-ce que c'est perçu comme enfin du renouveau, on va avoir des choses nouvelles, ça bouge, ou est-ce que on est là à dire c'est qui ces types là qui viennent de nulle part et qui vont nous chambouler? Ils ont pris le temps d'observer quand ils sont arrivés en novembre, notamment Frédéric Anguépé. Il a pris le temps d'observer, même s'il a été en fonction que début janvier, qui faisait quoi et qui pouvait faire quoi à l'intérieur du club. Là, depuis quelques petites semaines, ils prennent des décisions sur l'avenir de certains salariés, certains postes. Donc je pense qu'il y a effectivement, il y a les deux écoles. Il y a ceux qui sont inquiets pour leur poste, en tout cas pour leur place, et à juste raison. Et il y en a d'autres qui se disent, enfin, on va peut-être travailler de manière très, très pro, très professionnelle, et ça va changer. Ce qui est sûr, c'est que ils sont pas là pour plaisanter. Et je pense que dans les relations sociales, ils sont pas là non plus pour plaisanter en interne. Pas du tout. Donc si ça va pas, ça va pas. Le bien que ça me fait d'entendre ces après, paroles. Après, c'est pas des voyous. Hein. Donc s'ils se séparent de gens, ils y mettront certainement les formes, y compris financièrement, c'est pas le souci. Mais ils ont vu, je pense qu'on peut leur faire des reproches. Et moi, j'ai rien fait. C'est pour ça que je dis ouvertement, j'ai pas changé d'avis, mais parce que je dis, on va attendre de voir ce que ça va donner. Je pense qu'au début, c'était mou. Maintenant, c'est en train de se... vraiment voit des choses qui me semblent intéressantes. Mais ils ont eu au moins une qualité, l'équipe de Dagrossa, Longue Épée, Hugo Varela, etc., c'est de regarder comment fonctionnait le club. C'est-à-dire que c'est pas des gens qui sont arrivés en disant toi tu dégages, toi tu dégages, toi tu restes, toi tu restes. Ils ont pris le temps de regarder comment fonctionnait ce club. Alors, leurs décisions, les décisions qu'ils prennent aujourd'hui sur l'avenir des uns et des autres, voilà. C'est des décisions, ils se sont fondés sur leur propre avis, leur propre ressenti pendant plusieurs semaines pour savoir comment ça travaillait au club. Après, on le sait tous, hein, Bordeaux, c'est un grand club, on est à Bordeaux, la vie est belle, on s'endort un peu. Ben, je crois que la période où ça dormait, c'est fini. Voilà, c'est à tous les niveaux, sur le terrain, en coulisses, partout. Mais ça, c'est partout. Génial. Lucas. Partout. Nicolas, je vous entendais parler un petit peu du mercato tout à l'heure. Est-ce que, première question, est-ce que M. Paulo Souza a été mis en relation avec Eduardo Macia au sujet des profils recherchés et souhaités par ce dernier? Ce dernier, non, bah, par non, pas par recherché. Ouais, recherché plutôt. Voilà. Et si oui, est-ce que vous auriez quelques indiscrétions sur les profils souhaités pour le coup? Alors, très honnêtement, je ne sais pas s'ils en ont parlé dès maintenant. Je crois pas, parce que l'un vient juste d'arriver et l'autre n'est pas encore là. Donc, je pense que ça va être au printemps, un peu plus tard au printemps, qu'ils vont avoir des réunions là-dessus. Les profils recherchés, ils sont assez simples. Hein. Bah, t'as un arrière gauche, un milieu de terrain, partout, des attaquants. Ouais, voilà. Ouais. Attaquant axial, ça c'est la grande priorité, qui marque des buts. Alors ça c'est la grosse grosse priorité, ouais, un buteur, ça c'est la priorité, mais c'est un pléonasme, mais c'est vraiment la priorité numéro 1. Donc un buteur, ça donc, c'est sûr. Donc buteur priorité numéro 1, ouais. Signifie départ de Cornelius en fin de saison. Ah mais de toute façon Cornelius est prêté, donc... Mais il était prêté avec option d'achat, il me semble. Je ne sais plus s'il y en avait une, mais bon, les options d'achat c'est juste une priorité sur le moment pour négocier, mais ça ne veut pas dire qu'après, il n'y a pas de négo possible. Cornelius, je ne sais pas du tout s'ils en veulent ou pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il est, bon, Caramo, il va repartir à l'Inter. Pense que François... Caramo va partir à l'Inter. François Camano, bon, ciao. S'il a des clubs, ils vont pas les garder. Et après, ça va bouger autour. J'aimerais bien garder Briand, moi, quand même. Et alors, je suis pas certain qu'en défense, tous les titulaires d'aujourd'hui soient là au mois d'août. Quoi. Mais justement, alors, qu'est-ce qu'ils comptent faire? Parce qu'on est justement. Tu vas voir qu'on est tellement bon qu'on va garder Pungé et on va vendre Pablo et Koundé. Alors là, j'y crois pas du tout. Vous pourrez me reposer la question au mois d'août. Mais je pense que Koundé à 1000% il va rester à Bordeaux. Mais pour le coup c'est intéressant ce que vous dites, parce que qu'est-ce qu'il compte faire des jeunes par ailleurs? Parce qu'en défense on en a quand même pas mal. On a le petit Palencia, le petit Koundé, le petit Palencia, ça serait bien qu'on fasse l'effort. Mais pas que dans ce secteur-là. Palencia, on a Tchouaméni, on a Basic, Mancini qui va revenir de près, Boubenza, Youssouf. Je vais pas tous vous les citer parce qu'ils sont énormes. Mais Bayanova qui va arriver. Adli. Qu'est-ce qu'il compte faire de tous ces jeunes-là alors pour le coup? Ben, je pense qu'ils vont faire comme avec les autres joueurs de l'effectif, c'est-à-dire ils vont regarder ce qu'ils valent ou les échos qu'ils en ont, et ils décideront ou non de les garder, ou de les prêter, ou de les vendre. Palencia, je suis pas sûr du tout qu'il reste, hein, quand même, parce que entre Bellanova qui va arriver, et puis pour l'instant Sabali est toujours là. Ouais, mais Sabali, est-ce que lui a envie de rester aussi, pour le coup? Parce qu'il était à deux doigts de partir à Naples, quand même. Non, à Fulham. À Fulham cet hiver, et à Naples l'été dernier. Ouais. Et il y va pas uniquement parce qu'il a il lui trouve un problème au genou, je sais pas quoi, enfin un truc à la cuisse. Sa blessure à la Coupe du Monde. Voilà. Et il est parti faire la visite médicale sans l'accord du club, quand même. Accessoirement, le 31 janvier aussi, c'est pas mal, quand même. Voilà, oui, voilà. Donc pour un garçon. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur l'autorité retrouvée dans un club, ça passe par ça aussi. Il peut pas y avoir un joueur qui s'en va passer une visite médicale dans le dos d'un club, ça c'est pas possible. Enfin bon, bref. Les jeunes joueurs, je pense qu'ils. S'ils sont bons, ils joueront. En fait, c'est aussi simple que ça avec eux. Bellanova, italien, je ne sais pas ce qu'il vaut, j'en sais rien. Eux, ils le savent mieux que moi. Il va peut-être pas être titulaire d'entrée, mais leur idée, c'est qu'il le soit assez vite. Adli, leur idée, c'est qu'il soit titulaire assez vite en s'endurcissant, physiquement, parce qu'il est encore un peu frêle. Mais les jeunes joueurs, les autres, Mancini, tout ça, je crois qu'ils les connaissent pas, quoi. Bah, ils auront toujours l'occasion de les découvrir, c'est bien. Mais à mon avis, ils ont plus. Je pense que c'est un bon joueur, Mancini. Il joue à Auxerre, je crois. Il joue en ce moment, même avec la JOCR, ils font toujours 0-0. Il est titulaire. Bon, non, mais peut-être. Mais après, je pense qu'ils ont suffisamment de réseau à l'extérieur pour essayer d'avoir un niveau supérieur à cet âge-là, à mon avis. Et par ailleurs, les prêtés qui vont revenir, le Rager, s'il revient, va. Ah non, mais le Rager, il ne reviendra pas, parce que c'est une option d'achat qui je crois quasi automatique, oui, qui conditionné a... au maintien ou je sais pas quoi. Enfin, non, il me semble que c'était à la moitié des matchs joués. Il me semble qu'il s'en apprend. Il a dû être à 2-3 ouais, matchs. Ouais, voilà, un truc comme ça. Mais c'est automatique quasiment, hein, l'option d'achat. Donc Yoli reviendra pas, les ragards. Et Baïs, Vada et compagnie, qu'est-ce que. Putain, pour le Baïs, j'avais oublié, le pauvre, il va revenir. Ouais, je pense que eux, ils vont aller voir moi. D'accord. Après, faut si tu veux acheter une dizaine de joueurs, faut il va falloir qu'il y en ait qui dégagent, ça c'est sûr. Bah, il faut alléger l'effectif. De toute façon, ça fait partie de la vie d'un footballeur. Ils le savent. Ça me fait vraiment mal pour Paul Bayes en plus, mais puis même, à un moment donné, faut évoluer. Donc, c'est ça. L'évolution, ouais, c'est des fois, ça passe par un départ. Merci beaucoup, Nicolas. Il est 21h45. Merci vraiment beaucoup d'avoir passé cette demi-heure avec nous. C'est toujours un plaisir. Et puis, ben, on va continuer à suivre à travers France 3. Bah, c'est gentil, merci à vous en tout cas. Et puis tu es le bienvenu quand tu veux en studio. Avec grand plaisir. Oula. Bah, il y a eu. Non, je crois que c'est. Non, ouais, je sais pas si c'est moi ou quoi. Bref, ça a coupé. C'est pas grave. Bon, de toute façon, ça tombe bien, on l'avait fini. Je crois que ça a tranché. On va refaire les adieux. Il y a quand même plusieurs. Il y a quand même plusieurs choses que je comprends pas, moi, en termes. Dans la gestion de cet effectif, quand même, parce qu'ils veulent. Alors attends, juste deux secondes, on va terminer avec Nicolas. Voilà, ça a tranché. Voilà, on se disait au revoir. Donc, merci à vous, en tout cas. Voilà, et puis on disait, t'es le bienvenu en studio avec grand plaisir. Avec plaisir. Merci à vous. Merci Nicolas. À très bonne bientôt, soirée, bon week-end. Merci ciao. À vous aussi également. Ciao, ciao. Il est très sympa à chaque fois. Nicolas Morin. Ouais, Lucas, chaque tu disais. Fois, il nous gâte d'une ou deux infos. Toujours, Nicolas, le petit. Olivier Giroud a été contacté et est toujours en contact. Gars, s'ils le font venir, mais t'imagines pas le bien que ça va me faire à mon petit cœur. Lucas, et après on passe sur Rennes, on aura un quart d'heure. Moi, juste, j'ai pas l'impression de bien comprendre comment est-ce qu'ils vont gérer cet effectif. Parce que Monsieur Morin a dit tout à l'heure qu'il cherchait des cadres pour encadrer les jeunes, justement. Mais c'est ce que disait Dagrossa, qu'ils veulent plus de Benoît Costil. Voilà, c'est ce que dit Dagrossa. Ça, il dit on veut plus de Benoît Costil. Je pense qu'ils feront un équilibre entre jeunisme et expérience. Vas-y. Non, mais c'est pas ça. De toute façon, c'est ce qu'il faut faire. Ouais, mais l'an prochain, si tu regardes tout l'effectif, ils vont quand même en avoir de l'expérience. Alors, on va continuer à parler de tout ça. On va peut-être un petit peu les bordeaux avec notre ami, un historique de cette émission, c'est Thibaut. Salut Thibaut. Salut à tous. Comment ça va, mon petit? Ça va. En forme? Ouais, ça va. C'est vendredi, tout va bien. T'es là pour nous parler un petit peu de ta semaine. Tu es allé au Hayan, tu voulais nous parler de... Alors dis-nous. De Paolo Sousa. Dis-nous comment ça se passe. Ah, le bon Paolo. J'ai assisté par curiosité, évidemment, avec grand intérêt au premier pas de Paolo Sousa à Bordeaux. Et donc j'avais écrit un article sur Girondin 33 dans lequel j'avais un peu résumé tout ça. Ouais, qu'on peut retrouver sur Girondin33.com. Ouais, et du coup, c'est un style quand même assez particulier qui rappelle à bien des égards celui de Gustavo Poyet, avec peut-être un peu plus d'exigence encore. Donc quand on a suivi les entraînements de Poyet, on voit un petit peu ce que ça donne avec encore plus d'exigence et ce qui tranche un peu avec l'habitude qu'on a du côté du Hayan, c'est que c'est à base de ballon. Le ballon, il est obsédé par le ballon. Ça tombe bien, ça en fait au moins un, c'est bien. C'était pas toujours le cas, des entraîneurs qui aimaient le ballon à Bordeaux. C'était pas toujours le cas. Il y avait beaucoup. Alors les parties intéressantes, c'est surtout sur la relation, parce qu'au-delà des aspects purement techniques de l'entraînement, il y a une chose qui est quand même assez intéressante, c'est que c'est ce que j'en déduis, mais c'est un entraîneur qui est plutôt proche de ses joueurs, proche dans le sens où dès qu'il y a quelque chose qui plaît pas, ou dès qu'il y a un geste qui est mal fait, ou qui est pas fait comme lui voudrait, etc. Il a pas arrêté le jeu, arrêté les ateliers pour faire une mini conférence, rassembler tout le monde au centre du terrain, réexpliquer les consignes, distribuer les bons points, les mauvais points, etc. Et surtout, il multiplie aussi les échanges individuels avec les joueurs, beaucoup avec les jeunes. Moi, je l'ai vu beaucoup parler avec Tchouaméni, avec Youssouf, avec Maja, avec des joueurs qui peut-être sont aussi soit en manque de confiance. Je l'ai beaucoup vu échanger avec avec comment il s'appelle, Depréville, avec des joueurs comme ça qui sont un peu laissés un petit peu sur le bord du terrain depuis le début de saison. Mais par contre, voilà, il est très exigeant aussi dans l'implication, dans l'état d'esprit. Donc c'est plutôt positif, c'est plutôt intéressant. Il est bien aidé par un staff qui ils se connaissent très bien, ça se voit. Y a pas besoin, ils parlent pas beaucoup entre eux, mais les consignes passent bien. Éric Bédoué, voilà, a peut-être un peu de mal encore à trouver sa place. Donc place qu'il gardera peut-être, peut-être pas en fin de saison, on verra. Mais en tout cas, voilà, c'est un entraîneur impliqué. Donc on va voir ce que ça va donner. Moi, ça m'a fait bonne impression. Et Thibaut, le ressenti que toi, tu as eu, justement, la réaction des joueurs, moi, comment toi tu les as trouvés, ces joueurs? Est-ce que tu les as trouvés, parce qu'on voilà, Paulo Sousa nous dit qu'ils sont totalement physiquement pas prêts, complètement dépassés, enfin voilà, comment toi tu les as trouvés? Est-ce que tu les as sentis impliqués peut-être plus que ce que tu voyais avant? Je parle pour certains, pas pour tous évidemment, parce qu'il y en a qui sont depuis le début de saison dont l'implication est absolument pas à remettre en cause. Mais est-ce que tu as senti que certains, ils se donnaient peut-être un peu plus, ils traînaient peut-être un petit peu moins la jambe, ouais. Ils levaient un peu plus, ils se bougeaient, ouais, un peu plus. Ouais, en fait, ce qui m'a surtout marqué, c'est que c'est des attitudes à l'entraînement que bon, j'en ai suivi quand même quelques-uns, voire pas mal cette saison, que ça soit les premiers avec Poyet, puis les entraînements avec Ricardo. Et notamment dans les dernières semaines de l'ère Ricardo, il y a des attitudes qu'on voyait plus, c'est-à-dire que des joueurs enthousiastes, des joueurs qui avaient envie, etc., etc. Il y en avait certains, on les connaît tous, hein, les Camano, Caramo. Voilà, c'était des joueurs sans carré, c'était pas des joueurs qui étaient vraiment très impliqués ou qui donnaient vraiment l'envie d'être impliqués. Moi de ce que j'ai vu, j'ai vu un Camano combatif, j'ai vu un Caramo qui était attentif aux consignes, qui avait le sourire, ce qui était déjà pas le cas la dernière fois que je suis allé donc au Hayan. Il y a des attitudes qui sont on sent des joueurs peut-être libérés, peut-être un peu plus concerné, voilà. Donc et ça, je pense que c'est aussi dû à la personnalité, parce que de Sousa, parce que dès qu'il y a un joueur qui a un mauvais geste ou un geste d'humeur, un geste d'énervement qui justement ne se donne pas à fond dans les exercices, il se fait recadrer de suite. C'est Grinta, c'est comment match. On lâche pas, et puis voilà, après il s'est aussi félicité quand il obtient satisfaction, donc voilà, non, c'est plutôt intéressant. Alors après, les auditeurs qui écoutent, ils vont se dire, mais celui-là, il est en train de nous vendre du Sousa à fond, là. Si c'est ce que t'as vu, moi ça me va bien. Hein. Moi, c'est ce que j'ai vu, après, je reste quand même sur ma faim, parce qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui sont passés par Bordeaux où les premières semaines, oui, hyper impliqués, et puis voilà. Qui ont voulu et malheureusement se sont un peu cassés. Après, ce qu'on sent, c'est que il est entouré, il a visiblement le soutien de l'actionnaire, le soutien de la direction, et peut-être que pour une fois, à Bordeaux, il y a une cohésion ou une connexion entre la direction et le staff qui peut-être propice aussi à ne pas justement laisser de brèche dans cette cohésion-là, et donc du coup ça peut aussi apporter son lot de bonnes nouvelles, donc on va pas non plus tirer sur mais en tout cas c'est intéressant, voilà. En tous les cas, si Paulo Sousa est si pointilleux que ça et qu'il a beaucoup parlé avec Depréville, le pauvre Depréville, il a dû lui envoyer un recommandé. Je sais pas si t'as écouté ce qu'on a dit avec Nicolas Morin, mais honnêtement, de l'extérieur, hein, des premières impressions comme ça que ça renvoie, surtout l'impression que l'amateurisme qui baigne le football français, est, à mon avis, hein, ou le semi-amateurisme, je parle dans tout ce qui est préparation, implication, tout ce que tu viens de nous raconter là, Thibaut, pour moi, on voit enfin ce qu'on devrait voir professionnellement dans un club de football. Enfin, moi, du moins, c'est comme ça que je le perçois. C'est fini là. Terminé la musique, fini la rigolade. Ouais. Après, effectivement, si on compare Paulo Souza et les entraînements tout à l'heure, vous disiez que physiquement, ils n'étaient pas prêts, etc., ce que rapportait Souza. En tout cas, je pense pas qu'il faut le prendre comme ils ont rien foutu pendant 9 mois, ils sont physiquement à la rue. Non, ils l'ont peut-être mal fait. Je pense qu'ils sont... Ils sont au niveau physique, sinon ils seraient pas capables de tenir une saison. Mais je pense qu'ils sont pas au niveau physique des entraînements de Souza, qui sont, je pense, voire un cran, voire quatre crans au-dessus de ce qui se fait habituellement à Bordeaux donc depuis des années. Donc ça rejoint ce que je dis. On n'était pas au niveau de vrais professionnels. On n'était peut-être pas au niveau vrais professionnels. Après, c'est compliqué pour Bédoué aussi, parce que beaucoup de... Il est trop dans l'affect, Eric. Voilà, il est trop dans l'affect. Et puis surtout d'avoir cette double ou triple casquette de manager, enfin d'entraîneur, de traducteur, parce qu'il fallait faire passer les consignes, parce qu'on sait très bien, et peut-être que voilà, mais Ricardo, moi j'ai assisté à des séances d'entraînement, Ricardo, c'était quand même un peu compliqué pour lui de communiquer. Et de préparateur physique, donc il faisait un peu tout à la fois et c'était pas forcément non plus donc il y a forcément eu des manques quelque part, mais en tout cas c'est vrai que la séance à laquelle j'ai assisté, ils ont fait 1h30 ou 1h15 d'entraînement, ce qui est quand même une séance relativement courte, voire même très courte, puisque avec Ricardo ça tirait plus sur du 2h, en comptant l'échauffement et puis les étirements à la fin. Là, on était sur vraiment 1h15, 1h30 de séance complète, et les joueurs étaient, on sentait qu'il y avait quand même les jambes lourdes à la fin. Tu sentais qu'ils avaient vraiment transpiré, quoi. Donc c'est un niveau au-dessus. Quand j'avais débriefé sur Twitter, j'avais marqué que c'était amusant parce que j'ai eu une anecdote. On m'a raconté une anecdote, c'est qu'ils ont retrouvé du matériel d'entraînement dont ils ignoraient l'existence. C'est ce que nous disait Nicolas, qu'ils allaient sûrement vous fouiller tout le rayon, voire même dévaliser le décathlon d'à côté. Donc ça reconfirme une fois de plus ce que je pensais, c'était pour vous, ça vous prouve le niveau dans lequel on baignait dans ce club quand même. C'est quand même incroyable. Enfin moi ça me mais je suis Thibaut, vous imaginez pas comment je suis dans un océan de bonheur là depuis 3 jours. Je baigne dans la joie. Thibaut, comment tu sens ce Bordeaux-Rennes? Cela on va enchaîner parce qu'il reste 3 minutes. Oui, mais pas on va sûrement déborder parce que j'allais en parler du Bordeaux-Rennes et puis on allait le faire avec Thibaut. Alors on va faire un avant-match. Tu restes à Hello pour l'avant-match? Allez. On va faire un peu plus ramassé que d'habitude. Lucas, et après, musique qui fait peur quand même. Juste une question pour Thibaut. Bonsoir Thibaut. Bonsoir. Quand Ricardo est arrivé, on a vu une petite résurrection de Ottavio, il me semble. Oui. Tu vois quel joueur, pour le coup, résurrexé avec l'arrivée de Paulo Souza? Résurrectionné. Ouais. Résurrectionné. Ou ressusciter, c'est bien aussi. Alors là, ressurgir, ressurgir, rejaillir, renaître. C'est un peu compliqué parce que le phénix. De ce que je sais, c'est qu'il a procédé vraiment à une revue d'effectifs très large. Et quand je dis très large, c'est pas uniquement les pros qui étaient au placard, mais aussi des jeunes joueurs. Du style de Milor. À la séance d'entraînement à laquelle j'étais, donc il y avait les traditionnels, hein, Trichard. Tocco qui était là, Ben Raou non, et Nilor non, mais Lotin non, mais il les avait déjà testés, il les a testés aussi en interne, enfin parce qu'il y a eu quand même 3 séances avant à huis clos, donc il les a beaucoup testés, et il a aussi testé les gardiens, voilà, sont Corentin Michel pour la CFA, et puis Davy Rouillard aussi qui a été testé. Avec alors Mandanda et Poussin n'étaient pas présents pour la séance de mercredi. Bon, après rassurez-vous, Costil il restera. Dans les buts jusqu'à la fin de saison. Non mais l'objectif aussi, c'est au-delà des 10 matchs qui restent, c'est aussi de faire un audit complet des jeunes joueurs et notamment de ce fameux groupe élite qu'on devait avoir créé cette saison, qui rassemblait les joueurs susceptibles d'intégrer le groupe professionnel. Donc voilà, il y a une volonté aussi. Donc pour répondre à la question de Lucas, si je devais sortir un joueur qui peut-être trouverait sa place dans le 11 ou dans le groupe, là comme ça j'en vois pas forcément. C'est à l'image de ce que c'est à l'image, c'est dans la totale ligne de conduite de cette nouvelle direction qui, quand elle est arrivée à scanner de la tête aux pieds, de la cave au grenier, à tout ce que vous voulez, ce club, eh ben Paulo Sousa fait strictement la même chose avec son effectif. Il le scrute du plus du meilleur joueur de l'effectif au dernier joueur du banc, voilà, mais au U19 et peut-être même en dessous, pour faire un état des lieux complet de ce qu'il a sous la main. Moi, je trouve ça, mais et c'est peut-être aussi pour ça, je pense, qu'il est venu avec beaucoup de gens autour de lui, 6 ou 5 ou 6 adjoints, parce que je pense que tout seul, c'est vraiment une charge de travail qui est assez énorme. Si le mec doit gérer les pros, les 30 ou, parce qu'on en a un paquet sous contrat là, en plus avec tous ceux qui vont revenir, ce machin. Mais il y en a 40. Ouais, alors t'imagines s'il doit superviser 30 ou 40 types, plus il les connaît, plus les réservistes. Il les a déjà vus en vidéo, il a dit. Ah, oui, mais en vidéo et après, en vrai, il a énormément préparé en amont son arrivée, parce que ça date pas, vous imaginez bien que les contacts datent pas de. Depuis Paris. Il a énormément regardé de vidéos du club, enfin de l'équipe. Il a pris beaucoup de renseignements individuels aussi sur les joueurs. Et donc, pour vraiment essayer de répondre à la question, je pense que moi, je l'ai vraiment beaucoup vu parler avec Amano. Essayer de le remettre à l'endroit, en santé, voilà. Et puis, surtout, axé sur les jeunes. Ouais. Youssouf, il a vraiment pris... alors, c'est un peu... t'as l'impression que les joueurs s'en foutent, mais à chaque fois il arrêtait, il dit voilà, bon ça va pas, positionne-toi comme ça, la passe elle va là, le ballon est là, regarde où sont tes coéquipiers, regarde où sont les adversaires. Voilà, on sentait que vraiment il a un œil particulier sur les jeunes et sur François Camano. Voilà, moi c'est mon sentiment. Messieurs, dimanche 17h, Ligue 1, musique qui fait peur. Oh, qu'elle fait peur cette musique. Attention, évidemment, elle part pas. Voilà, où elle part, qu'elle fait peur cette musique. Parce qu'à chaque fois qu'on entendait cette musique cette saison, on savait qu'on allait pas se marrer. Et ben là, bizarrement, j'entends cette musique. Et cette musique, elle ne me fait plus peur. Non, je n'en ai plus peur. Je l'affronte et je la regarde et je lui dis maintenant, tu me mets en joie, musique de Ligue 1. Cyril. Et du coup, on avait posé un petit sondage sur Twitter justement sur ça, sur la première de Paulo Sousa, sur le banc des Girondins. Donc, pensez-vous que nous allons. Gagner, faire égalité ou perdre, voilà, donc 83% qui pensent que nous allons gagner, 10% égalité et 7% perdre. Donc du coup quand même un net regain de confiance chez la communauté bordelaise. À ce propos d'ailleurs, petit point rapide historique, ça va être serré je pense, ça va être plus serré je pense que ce qu'on l'imagine. Rennes n'a quand même gagné que 6 fois en terre bordelaise en 50 matchs pour on. Ouais, mais sur les dernières rencontres, sachant on n'a pas souvent gagné non plus, il me semble. Sachant que, je vais vous faire simple, depuis 2016, c'est 4-0 Bordeaux, 1 partout et défaite 2-0 l'année dernière. Donc c'est les 3 derniers. La défaite de l'année dernière, elle fait mal. Et la défaite, oui, et la défaite. Rappelez-vous dans quel contexte la défaite de l'année dernière, elle a fait sacrément mal. C'est Gourcuff, je crois, qui marque le deuxième but, pas de bêtises. Gourcuff et Cazerie qui fait un gros match. Les stats de Rennes à l'extérieur, c'est pas ouf non plus. C'est 4 victoires, 3 nuls, 6 défaites, 17 buts pour, 22 buts encaissés. Ils sont quand même sur leurs 4 derniers déplacements, seulement une victoire et 3 défaites. Bordeaux, sur ses 4 dernières réceptions, a fait 2 victoires, 1 nul et le dernier perdu face à Montpellier. C'est 19 buts marqués. Allez, mine de rien, Bordeaux, c'est mine de rien 6 victoires à domicile. C'est les 5 nuls qui font mal plus que les 3 défaites. C'est surtout les 5 nuls qui piquent. Le meilleur buteur, c'est François Camano. La moyenne de buts, elle est à peu près équivalente. Hein, c'est-à-dire que Bordeaux marque 1,36 à la maison et Rennes 1,31 à l'extérieur. Donc du coup, ça devrait faire 1-3. Prendre en compte quand même, évidemment, on ne peut pas passer outre le match qu'a joué Rennes hier, où même s'il n'y a pas eu photo sur le match, ils ont été quand même dominés par cette équipe d'Arsenal, mais ils ont mine de rien quand même joué un match. Ils ont joué 90 minutes à un rythme soutenu d'Europa League. Est-ce que vraiment on doit tenir compte déjà dans quel état d'esprit ils seront? Est-ce qu'ils seront déçus? Est-ce qu'ils seront abattus? Est-ce qu'ils seront revanchards peut-être? Je pense qu'ils y ont cru, donc forcément quand tu Je pense crois, qu'à 2-0 ils y croient vraiment. Même à 3-0. Quand tu crois à une qualification, que tu te prépares pour ça, que tu ne vis une semaine que pour ça, et que finalement tu te prends un petit revers derrière la nuque là, le 3-0. Je pense que ça doit faire mal à la tête. Et tout Stéphane qu'il est, je pense que ça peut les toucher. Ça ouais. peut vraiment les toucher. Ouais, ça... mais bien au-delà du scénario, enfin, même, je ne sais pas si vous avez vu le match hier, Rennes à la 70e, je regardais le petit Sarr, il avait l'air cramé, lui. Ou, ils avaient l'air, avant, ouais, physiquement, ils avaient l'air voilà, cramé à 20 minutes de la fin, ils avançaient plus. Entre le match du week-end dernier qui était contre Caen, si je dis pas de bêtises, et le match contre Arsenal, il n'a pas non plus forcément fait tourner. On a senti des Rennais un peu... Peut-être il le fera ce week-end. Enfin, clairement, hein, quand tu joues l'Europa League le jeudi en huitième de finale à Arsenal, le match du dimanche, entre guillemets, il passe à l'as. Hein. Ouais, non, mais on est d'accord. Mais fin, s'il fait tourner ce week-end, franchement, on a pas, fin, moi, j'ai pas peur. Hein, alors là, Thibaut, toi, comment tu sens ça, des Rennais peut-être un petit peu à l'image de leur fin de match d'hier, un petit peu sur les genoux Ouais, des Rennais peut-être un peu empruntés physiquement, c'est vrai que ça a été compliqué. Je pense que encaisser une défaite comme ça, on l'a senti déjà après dans les réactions d'après-match où voilà, on sentait qu'ils avaient quand même pris un gros coup à la tête. Cyril, tu disais tout à l'heure que ils y ont cru, à juste titre, parce que quand tu mènes 3-1, quand tu gagnes 3-1 chez toi, en face à Arsenal, certes, bon, tu as quand même des raisons un petit peu d'y croire, même si quand on connaît la hype française, enfin la performance française dans les Coupes d'Europe cette saison, voilà, on peut quand même, on aurait dû rester prudent, mais bon, on aurait pu quand même. Mais c'était légitime d'y croire. Ouais, c'était légitime, je pense que c'était légitime d'y croire. Après, oui, je pense qu'ils vont avoir un contre-coup nécessairement physique parce que on le voit à Bordeaux enchaîner Coupe d'Europe. Quand on enchaînait Coupe d'Europe et Championnat, c'était pas évident. Mais après, vu la forme actuelle de Bordeaux, même s'il y a un nouvel entraîneur avec une nouvelle dynamique, etc. 1-0, voilà. But de Briand, je signe. Bah, ouais, face à son ancien club. Non, mais tu vois, pour le ça coup, pas mal, l'histoire. Tu faisais le comparatif avec Bordeaux. Bordeaux, je trouve qu'avec un effectif plus jeune, physiquement parlant, tenait plus la route qu'un effectif avec Rennes qui est plus expérimenté. C'est pas les mêmes confrontations là que tu as maintenant. C'est-à-dire que là, ils ont enchaîné 4 semaines. Ils sont allés faire 2 matchs aller-retour contre Betis Séville. Et là, tu viens. En fait, sur 8 semaines, ils ont fait quasiment 8 matchs. Et à chaque fois, c'est le Betis. Ils sortent le Betis. Très haute intensité. Et ouais, non, voilà. Mais, donc, ouais, mais j'entends et surtout, bien. Il y a une phase de décompression derrière, je pense. Après, faut pas non plus sous-estimer Rennes, qui a quand même des qualités athlétiques et techniques qui sont quand même cette saison, voilà, Rennes c'est un club de losers, mais cette saison ils ont quand même une équipe et un effectif qui tient la route. Mais par contre, il va y avoir forcément un contre-coup derrière de cette élimination parce qu'ils ont perdu alors qu'ils ont gâché quoi. Juste petite précision quand même, parce que d'habitude je vous donne quand même un petit peu plus d'informations que les seules stats, mais le match étant dimanche, on n'a pas les groupes, donc on peut même pas envisager une composition mais et bordelaise et rennaise. Est-ce qu'il sera tourné ou pas, on ne sait pas, puisque les groupes tomberont que demain. Est-ce que Souza doit conjurer le sort et mettre grosso modo l'équipe type Ricardo, c'est-à-dire le 4-3-3, le 4-3-3 avec Ottavio, Plasil, Sankaré, Souza doit-il changer considérablement, Cyril, et mettre 3 défenseurs Souza, et déjà imposer son style? Je vais te dire ce que moi personnellement j'attends à partir de demain dimanche 17h, dimanche 17h, je veux que dimanche 17h Paulo Souza, il me dise, pas dans sa conférence de presse, mais ils me disent par les actes, ils me disent voilà, l'équipe que vous allez voir contre Rennes, les mecs que je vais aligner contre Rennes, à un suspendu près et un blessé près, on doit en avoir peut-être un ou deux qui traînent. Justement, si c'est avec les mêmes joueurs et qu'ils ont un comportement totalement différent, eh ben je serais très content. Mais donc du coup, est-ce que c'est pas plus flagrant avec la composition mais c'est justement ma question. Donc ce que je te dis, moi, peu importe, moi je veux que l'équipe que je vois dimanche, peu importe que ça soit la même, et si c'est la même, eh ben ça sera la même, c'est pas grave, mais je veux que l'équipe que je vois dimanche, ça soit celle que je vois jusqu'à la fin de la saison. Je veux voir un 11 titulaire, que ça soit en 4-3-3, 4-4-2, 3-5-1, 3-5-2, tout ce que vous voulez. 3-5-2, ça nous arrange pas. Non mais, t'as compris, tous les systèmes possibles et imaginables, je veux enfin voir de la stabilité dans ce groupe, chose que je ne vois plus depuis un an et demi. Tu pourras pas avoir de la stabilité dimanche. Je pense que il est toujours dans cette logique-là, et il est dans une logique aujourd'hui de revue d'effectifs. Si on s'en réfère à la conférence de presse qu'il a donnée quand il est arrivé, Et même là, la conférence de presse qu'il a donnée cet après-midi, où il dit en gros, voilà, je vais vite voir qui a envie et qui n'a pas envie. Il a déjà une idée de ce qu'il a vu à l'entraînement. Je pense qu'on jouera pas dans le même système, ça c'est sûr, parce que le 4-3-3, c'est un système qu'il exècre, il a encore redit, je suis en train de chercher en même temps la déclaration. Il a dit aujourd'hui, ouais, je suis pas sûr qu'à son arrivée, Paulo Sousa ait un seul instant pensé à aligner un 4-3-3 contre... Il va s'adapter à l'effectif. Mais on a vu pendant les entraînements où il a testé une défense à 3 avec 5 joueurs au milieu, enfin des choses qu'on a pas vu à Bordeaux depuis un moment. Mais de là à ce qu'il va franchir le pas dès dimanche contre Rennes d'aligner une nouvelle tactique, un nouveau système, etc. Je pense que il va s'appuyer sur ce qui a été Thibaut, quand ouais. Pablo aujourd'hui parle en conférence de presse, il dit que lui il est prêt à jouer à 3 défenseurs. Donc c'est pas anodin que ton défenseur, on va dire le plus expérimenté, l'international brésilien, dise ça. Ça peut pas être anodin. Est-ce que on va franchir le pas des dimanches? C'est ça le truc. Ou est-ce qu'il va se laisser parce qu'il y a après Rennes il y a la trêve. Non. Si. Bah, si, avec deux matchs contre la Moldavie et la... C'est pas le week-end prochain, l'Islande. Mais non, c'est là. Excuse-moi. Non, c'est là. Ouais, donc il y a une trêve, donc est-ce qu'il va passer ses 15 jours supplémentaires aussi pour essayer de travailler un peu plus et là, s'appuyer sur peut-être pas forcément un système bien différent, peut-être un 4-2-3-1, voilà, mais avec peut-être une animation différente, parce qu'on on sait très bien que l'animation, enfin c'est pas le système qui fait le match. Ça, je me suis jamais réussi à me faire un avis. Est-ce que c'est le système qui fait l'équipe ou l'équipe qui fait le système? Tactiquement, t'as quand même des joueurs qui sont. Enfin, je me suis toujours posé la question. Après, au niveau de ta tactique, même si c'est pas ton système qui fait l'animation, à un moment donné, t'as quand même des postes qui sont là. C'est-à-dire que tu vois bien que c'est important à un moment donné quand Lyon passe de 3 défenseurs à 2 défenseurs, ben c'est là où ils se font tanner. Hein. À un moment donné tu peux fais. Oui, non mais bon, après tu as une équipe A qui va jouer en 4-3-3 d'une certaine façon et tu as une équipe B qui va jouer en 4-3-3 d'une autre façon. Les devants ensemble, c'est-à-dire que tel profil va peut-être plus coller à telle caractéristique de tel poste dans tel schéma, justement. En tout cas, c'est un adepte du jeu de possession, d'après ce que j'ai vu, parce que c'est vraiment contrôler le ballon. Mais Bruno en parlait tout à l'heure, beaucoup de décrochage, beaucoup de jeux entre les lignes, relancer de derrière. Est-ce qu'avec cet effectif, c'est possible? Ça, c'est la question. Bah, tu vois, pour le coup, tu reviens sur ce que disait Bruno. Après, moi, je voulais quand même souligner une chose, c'est que si jamais il change de système de jeu, il n'est pas non plus forcément obligé de passer à 3 défenseurs. Par exemple, tu vois, dans les caractéristiques que tu as décrites, moi, je le vois bien ligner un 4-2-3-1. Moi. Non, mais à l'heure actuelle, dans tes joueurs les plus réguliers, malheureusement, à l'heure actuelle, au Girondins de Bordeaux, dans les plus réguliers, tu as tes 3 défenseurs centraux. C'est-à-dire que c'est plus facile d'écarter un milieu de terrain ou clairement, un attaquant clairement. Que Jovanovic. Jovanovic, franchement, on peut pas. Moi, je trouve pas que ça soit. Il a fait le taf quand Pablo était blessé. Il a pas été plus infamant que les autres. Je vois pas pourquoi on irait le entre guillemets le sanctionner en. Tu vois ce que je veux dire en, oui. Il a fait le boulot. C'est vrai que parmi tes défenseurs, c'est les 3 qui sont à peu près crédibles. Et puis quand on écoute Bruno ou même quand Thibaut en parle, on sent bien que ça va relancer de derrière et que tes défenseurs vont avoir un rôle. Donc est-ce que c'est pas mieux d'avoir 3 défenseurs et permettre notamment à Koundé qui aime beaucoup se projeter? Est-ce qu'il va pas être plus à l'aise avec une base arrière un peu plus solide? Ça peut être aussi une phase. Attention à ça parce que Rennes, s'ils alignent leurs attaquants entre guillemets classiques, en admettant qu'ils fassent pas tourner, que t'es Niang, Sarr, il y a du déménageur. À mon avis, fera tourner. Oui, il y a du déménageur, mais ça peut aller vite aussi. Hein. Parce que même leur comment il s'appelle l'ancien de Ligue 2 là, comment il s'appelle celui qui jouait à Reims l'année dernière, l'attaquant. C'est Batcheux. c'est aussi un déménageur, c'est Mathieu. Ouais, mais c'est des déménageurs, mais Niang et Sarr, mais ça va vite, ça va très vite aussi. Hein. Donc attention à pas se faire puissant, non plus. Ouais, voilà, attention à pas se faire prendre de vitesse aussi par des garçons. Si, je pense, si ils sont titulaires, mais je pense qu'ils seront titulaires. Enfin, après, s'il aime une équipe qui relance dans derrière, enfin, personnellement, je trouve Koundé et Pablo meilleurs justement dans la relance que Jovanovic. Pour le coup, ce serait l'argument qui ferait que Jovanovic, aussi bon qu'il soit pour l'instant, rentrerait sur 22h15, le banc. Messieurs, oui. Vas-y, ouais, juste pour finir. Enfin, après, même s'il fait tourner, même s'il met Sebatcheux, en termes de vitesse, au vu du gabarit qu'il a, Sebatcheux, il va. Il me semble pas qu'il aille non plus très très vite comme peut aller. Ah non, c'est pas ça. En espérant voilà, que. Exactement. Ouais. En espérant, et là hier, moi il y a. Tu vois, s'il fait tourner par exemple, j'ai plus peur de Léa Slicky qui déborde et qui va sûrement nous bouffer Palencia ou Sabali. Et attention à Ben Arfa, si il est d'entrée de jeu comme les 5 minutes ou 10 minutes qu'il fait hier en fin de match. À chaque fois, Ben Arfa, de toute façon, Bordeaux. Non, mais hier, c'est terrible. Il le fait 10 minutes. Tu as envie de lui dire, mais pourquoi tu l'as pas fait avant? C'est-à-dire qu'en 10 minutes ou 12 minutes à la fin, il te fait 3 actions. Il fait, enfin, toute proportion gardée. S'il était régulier, ça serait pas Ben Arfa. Il fait ce que Messi a fait face et à Lyon. Et il jouerait pas Rennes. Mais oui, il fait ce qu'a fait Messi 2 jours avant face à Lyon. Il prend le ballon, il dribble 3 mecs, 1-2, je te remets, rien. Mais t'as envie de lui dire, mais pourquoi tu le fais pas depuis le départ? Alors, le fais pas dimanche, mais pourquoi là tu le fais pas? Et s'il refait ça, il arrive à faire dimanche ce qu'il a fait là sur 12 minutes en fin de match, il va falloir quand même sacrément le surveiller, le garçon. Il en est capable, hein, parce que bon, c'est quand même une pointure, Ben Arfa. Thibaut, ouais. Si je te demande une compo dans le style que tu veux, dans le voilà, dans la folie. Vu que c'est un nouvel entraîneur, donc qu'est-ce que t'aimerais voir ou que t'espères voir dimanche et à quel compo? Donc très honnêtement, je sais pas. La seule certitude, c'est qu'il y aura Costil dans les buts. Bon, je crois qu'on est à peu près d'accord. Tu peux aussi dire qu'il y aura Koundé. Et il y aura Koundé, Pablo. Je pense qu'il y aura du Otavio. Je mettrais bien la surprise du chef, je mettrais bien sur Youssouf. Ouais. Après, il avait quand même un gros bandage au genou. Je ne sais pas s'il est chaud encore pour revenir, mais ouais, peut-être une pièce sur Youssouf. Moi, les gars, je vous faire. Est-ce qu'on sait si Cornelius est de retour ou pas? Non. Je vais vous faire une compo. Sont blessés. Tchouaméni, touché au tibia, visiblement, donc blessé à l'entraînement. Fin de saison, je pense. Oui, le club dit quelques semaines, mais. Voilà. Enfin, la ou saison alors, on reviendra à 37, 38. Ou s'il revient, c'est la dernière journée. Cyril, voilà. Moi, je vais vous faire une compo de ouf. Que même Paulo Souza. Alors, il va nous sortir du Lidor, du Lotin. Bon, bien évidemment, moi, je joue en 3-5-2, je le tente. Donc Koundé, Pablo, Jovanovic à droite, donc Sabali dans l'axe, Otavio, Sankaré, Plasil à gauche, donc latéral gauche sur toute l'aile. Ah, tu mets pas Palencia à droite. Et je mets deux attaquants, donc Briand et Adli en 9,5. Ouais. Oh, pourquoi pas. C'est un peu improbable, mais pourquoi pas. Lucas. Allez, moi, je reste sur mon 4-2-3-1. Costil, Palencia, Koundé, Pablo, Pungé, Otavio devant la défense, aux côtés de Plasil. Avec à droite... qui c'est qu'on a à droite, d'ailleurs? Palencia ou Sabali? Non, elle est à droite. Elle est à droite, moi, je vois bien un petit Caramo. Non, il parlait du milieu de terrain. Milieu droit. Ouais. Milieu, bah oui, t'as Calou, Calou est blessé. T'as même Maja, enfin, tu peux mettre un petit peu. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Calou qui est revenu. Non, Calou est blessé, je crois. Ah bon? On n'a pas les groupes encore, donc je sais pas. Ouais, mais j'ai cru voir une brève aujourd'hui. Il n'est pas entraîné. Mercredi. Comme quoi, il tirait la patte. Ouais, ben Caramo à droite, Camano à gauche, Briand numéro 10 et devant De Préville. Et après les compos, messieurs. Les pronos. On passe au prono. Quel est votre pronostic? Pronostic. Oui, votre pronostic. Une boucherie. Thibaut, boucherie ou pas boucherie de dimanche? Pas boucherie. Poissonnerie alors? On va dire. Galette saucisse. Vegan. Vegan. Vegan. Un petit score quand même? Une victoire de Bordeaux, on va griller Rennes 1-0. Je pense très sincèrement que ça sera pas, alors évidemment on fera le débrief lundi, peut-être que je me trompe, mais je pense que ça sera pas le Rennes-Bordeaux chiantissime qu'on voit depuis 7-8 ans là, tous les ans les purges de Rennes-Bordeaux. Je pense que vraiment il peut se passer des choses. Cyril, moi je vois 3-1 pour Bordeaux. Lucas. Moi déjà je peux pas dire boucherie, j'ai mis deux Préville devant donc. justement le renouveau est là. Doublette de Préville, ça va être sanglant. Une ovation du virage sud. Ben ouais, et le pire c'est que j'allais le dire, Bordeaux 2-0 avec un but de deux Préville. Eh ben écoute, c'est très bien. Et moi allez, je vais rester quand même confiant mais mesuré. Voilà, exactement, mais mesuré. Un zéro. C'est clair. Tu imagines le mec, je vais rester dans la sobriété. Non, un brave 2-1, tu vois, parce que je me dis qu'à Rennes, ils ont quand même, entre Niang, Sarr, Bourigeau, Ben Arfa, Siebatche, Ounou, Grenier, ouais, on oublie Grenier. Il y a quand même des gens capables de marquer, et je pense pas qu'on soit, à mon avis, enfin, Paulo Sousa, c'est pas ma sorcière bien-aimée, si tu veux. Il frétille pas du nez, et d'un coup, les mecs deviennent, non, mais c'est vrai, je veux dire, à un moment donné. Sabrina, on est plus jeunes. Ce soir, on était dans une émission quand même extrêmement dans le positif. Ça change. Enfin, bon, tu me diras, il y a des raisons d'être positif. Et il y avait pas Adrien, en plus. Il y avait pas Adrien. Mais faut quand même pas non plus vendre non plus du rêve. Paulo Sousa, il arrive pas, il claque pas des doigts comme Thanos, et il se passe pas, les mecs, ils se transforment du jour au lendemain, tu sais. Il va quand même y avoir, je pense, encore des petites résurgences, des petites trucs qu'on verra encore du passé. Donc je pense que. Non, je pense pas, moi. Je pense que Rennes, Rennes trouvera la faille sur un truc foireux, une passe dans le dos de Ben Arfa pour Niang, et puis voilà. Un remplacement qu'un brave 2. Hein. Après Sousa, c'est pas Bédoué, il va pas rester. Il va pas se. S'il veut aussi faire dans sa zone technique, il aurait intérêt d'être écouté parce que je pense qu'il remplacement d'ici. Un remplacement avant la première demi-heure, est-ce que c'est possible? J'allais te dire, je pense qu'il attendra pas la. Non, mais on rigole, mais Gourvenec l'avait fait, rappelez-vous, avec Kazri. Non, mais sur le premier match, là, faut avoir sacrément une paire de couilles. Ou Malcolm, je sais plus, le mec, au bout de 35 minutes, tu sors. Non, mais franchement. Après ça, qu'il le fasse, s'il estime que c'est nécessaire, mais qu'il le fasse, qu'il le vire au bout de 20 minutes. Bien sûr, mais il faut quand même en avoir une sacrée grosse. Ah, mais franchement, mais j'attends que ça depuis des années, moi. Qu'il le fasse. Mais tu vois, pour le coup, je sens qu'avec Sousa, on va avoir une toute nouvelle équipe. Franchement. Ah, bah franchement, je n'attends que ça. Mais d'entrée contre Rennes, il devrait mettre des nouveaux maillots, quand même. Les maillots de l'année prochaine, il devrait les mettre de suite. On se retrouve donc lundi. Merci Thibaut. Merci à Thibaut pour ce compte rendu extrêmement puis tu reviens quand tu veux en studio. Tu nous manques. Ouais, il faudrait le temps. Voilà, Démerde-toi un peu. Ouais. T'inquiète, c'est toujours avec plaisir. Et puis même si c'est au téléphone, c'est à chaque fois un plaisir, mon petit, tu le sais. Et, ok, et superbe article, le passage sur Sousa Toulon. Merci, c'est gentil. Allez vite le lire. Exactement, vous retrouvez tout ça sur girondin33.com. En plus, on a fait une super appli. Et nouvelle oui, tiens. Auto-promo, appli G33, nouvelle appli, enfin remise à jour de. C'est ça ouais. Faut m'aider là parce que Twitter c'est pas grave. Il me semble, en fait, ouais. Depuis... Il y avait déjà une application qui existait. Et donc le papa de G33 Julien, a réussi à remettre à jour cette application et elle est vraiment géniale. Donc voilà, si vous avez sur iPhone pas toute l'actualité des Girondins, vous voulez suivre, etc. Il y a de très bonnes brèves écrites par Rico. Et j'allais dire, ta présence me permet de saluer toute l'équipe de Girondin33.com. Julien, alors on vous parle souvent des mêmes Julien, toi évidemment, Rico, mais vous n'êtes pas les seuls, il y a pas mal de gens qui bossent, y a Lucas aussi. Ouais. Vous écrivez beaucoup, si c'est vrai, vous écrivez beaucoup pour Girondin33 et on va pas se mentir, c'est ce qui fait aussi que cette émission s'appuie uniquement sur ce que vous faites sur le site pour alimenter l'émission. Donc merci à vous les gars, parce que sans vous on n'arriverait pas à faire grand chose nous en direct pendant une heure et demie. On essaye, après voilà, c'est pas on n'a pas la prétention de tout savoir faire, hein. De toute façon Girondin 33, Girondin Analyse, c'est une grande famille, donc, exactement. Donc merci à vous les gars, merci merci mon petit Thibaut. Donc écoute, bonne soirée, bon week-end, et puis à dimanche. À dimanche, les gars. Allez, salut mon petit, ciao. Et les filles demain. Et les filles demain. Les filles demain, d'ailleurs. Les filles, à quelle heure c'est le match? 14h30. 14h30 à Saint-Germain, si je dis pas de bêtises. Ouais. Face à Lyon. Allez-y assez tôt parce qu'il y a quand même pas mal de travaux. Oui. Ouais, et puis il y a surtout pas manif, mal de monde. Il y a beaucoup de licenciés des clubs féminins de la région qui ont été invités. Donc ça va être une bonne grosse ambiance. En plus, les places sont à 5€. Il y a encore des places à vendre. Le match est diffusé sur Canal ou pas? Alors je sais pas si il est diffusé sur Canal. Ouais, Canal Plus Sport. Mais c'est nettement mieux d'aller le voir au stade. En plus, il va faire beau et tout. Il va y avoir une belle fête. Et dimanche, il y a les U19 aussi. Et dimanche, c'est U19. Il joue les U19. Et le match est diffusé sur... Ouais, et le match est diffusé sur la chaîne YouTube de la SSS. Eh ben, allez-y, foncez. Parce qu'en gros, le match est à Villeneuve-d'Ornon, à 14h30, je crois aussi. 14h ou 14h30. C'est compliqué pour et ceux qui vont se faire. Et le match à Galice est à 17h, donc c'est un peu compliqué. Ça va être, voilà. Ça va être un petit peu charrette. Merci la fédération. Merci la fédé. Merci, mon petit Thibault. On se voit dimanche. Ciao, mon grand. Ciao, les gars. Bonne soirée, bye. Ciao. Messieurs, on va se... Attends, avant, moi, j'aimerais quand même remercier Bruno donc, oui, alors, du site Footugal. J'allais y arriver. Remercier Nicolas Morin, remercier Thibaut et remercier aussi Tar qui a essayé de nous appeler, mais malheureusement... Ah, là, ça fait trop tard. Voilà. Tar, mon grand, on te prend lundi, promis. Mais promis, on te prend. Là, ça fait... Non, là, on va aller se coucher. La semaine, elle a on été longue. On te prend dans la signe Camille. Merci. Bon... alors, ces propos n'engagent que Cyril. Non, non, parce que je suis pas là lundi. Total, ouais, bah alors on peut putain, en plus, le mec qui balance une saucisse, mais lundi, je suis pas là. Démerdez-vous. Petit point rapidement. Eh bien, je ne suis qu'à moitié étonné par ce résultat. Puisqu'à la 84e minute, Monaco, Lille et Monaco sont toujours à égalité 0-0. Combien de minutes t'as dit ? 84. 84. Bon, sachant que je dois avoir un décalage, on doit être à la 88e dans la réalité. Voilà, messieurs, merci, merci mon petit Lucas. C'est toujours un plaisir à chaque fois. Continue toi aussi de nous régaler sur Girondin 33 pour alimenter cette émission. Vous alimentez, vous êtes le carburant de cette émission. Non, mais merci à vous. Surtout pour l'invitation. Viens quand tu veux. Hein. Attends pas forcément qu'on te dise. Il faut rentrer dans le groupe. Si t'as envie de venir, tu viens. Tu nous. Alors après, suivant tes disponibilités. Moi, je viendrai tout le temps parce que vous êtes géniaux. Donc. Suivant tes disponibilités, évidemment. Si tu veux venir plus régulièrement, il y a aucun souci, mon grand. Tu nous contactes. Il y a pas de problème. Tu dis ce soir, je viens. Et puis il n'y a pas de souci. Et si vous voulez faire comme Lucas, vous nous contactez via Twitter, via Facebook. Vous nous retrouvez. Merci à toi. Girondin 33 même. Exactement. Si vous voulez venir participer à l'émission, vous nous contactez, il n'y a pas de souci, on vous accueille avec grand plaisir. Allez, les phrases de fin, Cyril. Donc le seul, l'unique, Didier Sénac. Lucas. Bon, rien, n'importe quoi. Si t'as rien à dire, tu dis rien. Si, comme fidèle à moi-même, libéré Poyette. Voilà. Et puis grosse dédicace à tous mes amis, toute ma famille et tous ceux que j'aime. Voilà. Eh ben écoute, on les embrasse également. Moi, comme d'habitude, ça sera toujours pareil. Je trouve que c'est assez d'actualité. Girondin, c'est pour toi que tu joues, mais c'est Bordeaux que tu représentes. Merci de nous être fidèles. On se retrouve lundi soir, 20h30, 22h. On reviendra évidemment sur Rennes, RIG 90.7 FM et RIGFM.fr dans Girondin Analyse. D'ici là, on vous souhaite une excellente fin de soirée, un très bon week-end, un bon match. Venez voir les filles, Demain. Venez voir les garçons, venez voir les jeunes, allez voir tout le monde si vous le pouvez. Mais au stade, dimanche c'est important. Dimanche, c'est d'aller au stade. C'est important si vous voulez voir le nouveau Bordeaux avec tout sera nouveau dimanche. Les joueurs, l'entraîneur, on repart à zéro. Voilà. La qualité technique de Depréville. Exactement. C'est l'an 1. Le début d'une nouvelle ère, tu vois. Voilà. Marvel va. C'est comme dirait Luan, c'est le jour 1. C'est New Avengers, tu vois. Marvel, ils vont finir le cycle 3 du truc là, et nous on va débuter un nouveau, paf. Exactement. On enchaîne les New Avengers. Allez, merci à vous, bonne soirée, bon week-end, bon match dimanche, on se retrouve tous au stade, et allez Bordeaux.